You know, it's Halloween. I guess everyone's entitled to one good scare, huh? Look at me, Damien. It's all for you. We'll tear your soul apart. They're coming to get you, Barbara. They're here. I see dead people. What have you done to its eyes? What have you done to him, you maniac? We all go a little mad sometimes. Come. It is time to keep your appointment with the Wicker Man. Eh oui, c'est l'épisode numéro 71 de l'Horreur Gamer Show. Sébastien Bouchard au micro. Et ce soir, j'ai quand même une équipe réduite des 31 jours parce que on se rappellera que, mon Dieu, qu'il y avait de la population sur ce podcast. Mais quand même, on a gardé la crème de la crème. Désolé pour les autres, vous êtes la crème aussi, mais vous êtes pas là. j'ai tout d'abord avec moi... Celui qui se liche la barbe présentement, puis c'est un peu troublant. Steven Lafrançois! Hey! Salut! Ça va? Ça va super bien, et toi? Yes, j'avais hâte de faire ce show-là. J'avais manqué celui la semaine passée. Et là, ça me manquait. Et aussi, j'allais dire du podcast Horror Web, mais on va dire aussi le septième démenti, surtout celui qui nous convainc que Alyssa Milano peut être une vierge. Et que ça fait des bons films de vampires, Sylvain Démenti. Pas sûr d'avoir convaincu grand monde, mais j'essaye fort. Écoute, ça m'a troublé ce que tu montrais du remake qui a de l'air d'être. On parle de Embrace of the Vampire. Je savais pas que ça existait. Je le déconseille à tout le monde. Ouais, ça avait de l'air. Ouais, ça avait de l'air de. C'est comme la coche. La coche de trop, là, tu sais. Et ensuite, on a celle qu'on emprunte à Horror Gamer, parce que, coudonc, on aime ça l'avoir avec nous. J'ai nommé Audrey. Salut, Audrey. Allô. Allô, comment vas-tu? Bien, comme d'habitude. Yes, cool. c'est sûr que si ça avait répondu mal, on aurait commis un malaise. J'aurais pu dire mal, comme d'habitude. Puis là, il y a un malaise, on paye suppose, puis là, on diffuse plus, puis on... Quand t'es au podcast d'Horror Gamer, tu vas être bien. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est une belle thérapie. Steven, la prochaine fois qu'on pose la question, tu vas bien. Quand t'es chute, tu dis que tu vas bien. hey, les amis, troisième semaine des 31 jours d'horreur déjà. On est déjà le 23. Ça va vite, mais Colin qui avait du stock à écouter. Puis je suis content parce qu'on a une semaine vraiment éclatée qui part dans tous les sens cette semaine. Et je sais qu'on va avoir un long spectacle. Pour ceux qui se demandent, voyons, mais ils sont où les autres? C'est la première de Walking Dead, donc Vicky n'y est pas. C'est Jean-François qui est à Montréal, je crois, ou qui en tout cas qui va à Rocky Horror Picture Show, tu disais, Steven? Ben, je ne sais pas exactement où il est. L'écoute chez eux, Il l'écoute chez eux. Rocky Horror Picture Show, c'est la semaine prochaine à Montréal, je pense. OK, ouais, c'est ça. Hein, parce qu'il a mis une priorité sur le bras de fer au lieu du Horror Gamer. Okay. C'est correct. Ouais. On voit aussi qu'il a escalé sa loyauté et on lui dit adieu. et sinon, ben, on a Simon et Olivier du podcast Les Oubliettes qui ne sont pas là, mais Olivier devrait peut-être venir nous rejoindre en cours de show, donc on espère. Donc, on s'est ennuyé de lui la semaine dernière. On s'ennuie de Simon aussi, mais bon, regarde, Simon ne viendra pas, fait qu'on n'en parle pas, il n'existe pas. Et sur ce, je pense qu'on va commencer tout de suite ce spectacle, spectacle. Parce que je viens de passer deux semaines à faire de la régie d'un show de théâtre, fait que je suis mélangé. J'espère que vous avez répété votre texte, parce qu'on commence immédiatement après cette femme qui crie. Alors, on commence ce premier bloc des 31 jours d'horreur avec une suggestion de Dominique Paulus du podcast Horreur Web, et c'était Uzumaki. Où la traduction en anglais, c'était Spirals. Et je crois qu'on a Steven qui l'a écouté. Oui, oui. Ben, je ne l'ai pas revu, mais c'est un film que j'ai déjà vu à plusieurs reprises il y a longtemps. Mm-hmm. Et Uzumaki, ça raconte. Ça se déroule en fait dans la petite ville de Kuruzu, où la vie semble suivre son cours jusqu'à cette tranquillité ambiante soit comme secouée par l'apparition d'étranges événements. Puis tour à tour, on va voir les habitants développer une espèce d'obsession morbide pour les spirales, entraînant métamorphose et mort mystérieuse sous le regard désemparé de nos deux jeunes étudiants vedettes, Kiri et Shuichi. J'ai de la misère des fois à dire son nom. Shichi, Shuichi. Est-ce que c'est un texte que tu as lu ou... Oui, c'est très, très beau. C'est très, très beau, Steven. Tu vas me reprocher que ça soit trop beau, c'est trop perfectionniste. Ben, écoute, non, mais c'est parce que pour une fois qu'il y a quelqu'un qui a de l'air professionnel, il faut qu'on le fasse remarquer. Qu'est-ce que tu en as pensé, Steven? Ben, moi, Uzumaki, c'est un film que j'ai adoré. C'est tiré d'un manga qui est apparemment délirant. J'ai pas eu la chance de le voir. Et moi, je trouve que c'est difficile de faire les comparaisons, probablement, quand on a vu le manga, pour la simple raison que lorsque le film a été fait, ben, le manga n'était même pas terminé. Okay. Fait que le film décide de prendre une tournure à lui tout seul, complètement à l'opposé de ce qu'il doit avoir dans le manga, j'en ai aucune idée. Mais moi, c'est un film qui m'a obsédé pendant longtemps. Je trouvais la pochette maçongère parce que ça disait que pour les amateurs de Tim Burton, ben, vous allez vous y retrouver, puis c'est comme... C'est pas parce qu'il y a une fête des cheveux en spirale qu'on est dans l'univers de Tim Burton. Là. Ça se résume pas à ça. Mais c'est pas Danny Elfman qui a fait la bande de son non plus. Non, plus. C'est un film complètement à l'opposé de ce que Danny que Tim Burton fait. C'est un film à l'ambiance. Ça veut dire que c'est bon. Bon! Merci, Audrey. Merci. Pourquoi il y a autant de haters envers Tim Burton? Je comprends pas. Moi, avant Tim Burton, c'était fucking cool de l'aimer, puis maintenant, ben, ça a l'air que c'est pas normal d'aimer Tim Burton. Non, mais il y a plein de films de Tim Burton que j'aime. C'est juste que je trouve que ça fait à peu près 15 ans qu'il n'en a pas fait un bon. Dark Shadow? Non, j'ai vraiment pas aimé ça. C'est un bien meilleur film que les gens pensent. Ben, chacun ses goûts. Steven, c'est pas parce que tu nous pointes trois fois du doigt en le disant que ça devient vrai. Pour revenir à Monsieur Spiral, c'est un film que j'adore pour la simple raison que son atmosphère est totalement unique. On ne retrouve pas ça dans aucun autre film, selon moi. C'est vraiment weird l'obsession que les gens ont envers les espèces de spirales. C'est drôle, ça me faisait penser... Est-ce que je vais voir des spirales partout, un peu comme le mauvais film de Jim Carrey, le nombre 23, puis elle se dit, est-ce qu'on va voir le nombre 23 partout? Mais contrairement à ça, oui, des fois, je m'amuse à regarder des spirales, puis ça me rappelait Uzumaki, mais c'est un film difficile à décrire. Ça mise beaucoup sur son ambiance, puis sur les scènes de meurtre ou d'accident vraiment weird. Je pense notamment à la personne dans une laveuse ou sécheuse qui est vraiment marquante, ou celle-là dans le... entouré dans la roue d'une voiture après un accident. Mais c'est un film que je recommande beaucoup. Comme je dis, je ne l'ai pas revu, fait qu'il n'est pas super frais dans ma mémoire. Mais c'est un film vraiment qui sort de l'ordinaire et qui montre un peu ce que j'aime autant du cinéma japonais. C'est vraiment un cinéma à part. C'est souvent des adaptations de manga ou d'anime, fait que c'est pas si souvent que ça des films originales en dehors qui sont pas adaptés de quelque chose, mais je trouve que pareil, les films s'en sortent quand même bien. Moi, j'avais beaucoup aimé Gantz, qui était aussi adapté d'un manga, puis qui était pas forcément super fidèle, mais je mettrais Uzumaki un peu dans le même genre. Je trouve que ce sont des adaptations vraiment cool qui se démarquent, qui sont vraiment le fun à suivre. Et je sais que Jean-François, lui, l'avait vu et qu'il avait vraiment adoré Uzumaki. Fait que je trouve ça un petit peu triste qu'il soit pas présent pour nous en discuter ce soir. Moi, en effet, il nous avait dit qu'il avait très, très apprécié. Mais moi, je suis curieux de connaître un peu ton opinion, vu que tu l'as pas vu complètement. Non, c'est ça, bien. J'avais commencé, puis c'est ça, j'ai une semaine de fou. Donc, il y a certains films sur lesquels je me suis endormi, malgré moi. Et Uzumaki en est un. Mais pour ce que j'ai vu, ce qui m'a surtout frappé, c'est son montage et certains effets qui sortent complètement de l'ordinaire. Le gars, juste au début, là, le gars puis la fille, ils se parlent. Puis la fille, elle dit comment ça va, puis tout ça. Puis à toutes les fois que c'est un champ contre champ, mais les deux regardent toujours la caméra en face, comme si la caméra était en plein centre entre les deux. Puis à toutes les fois qu'on voit le gars, la caméra a fait une rotation de 90 degrés. Donc, un mané est sur le côté, il a la tête en bas, il est rendu de l'autre côté, il revient normal. T'es comme, mais pourquoi tu fais ça, réalisateur? Il y a tout le temps un petit quelque chose. Un mané, il fait une transition. Avec juste une spirale qui découpe l'image avec un petit son de... Puis là, on passe à une autre scène. La structure du film, la manière de raconter l'histoire, même là, c'est déconcertant. C'est pas construit comme un film normal qu'on a l'habitude de voir. C'est vraiment... On dirait qu'il a misé sur tout pour que ça donne une atmosphère vraiment weird, autant dans ses plans de caméra, comme tu dis, que la manière de raconter son enquête. Exact, exact. Puis c'est ça, c'était... Tu sais, je me suis endormi dessus, mais c'était pas par manque d'intérêt. Et de tous ceux que j'ai vus... Ben, dans le fond, c'est sûr que je le complète. Là. Je ne passerai pas à côté de ça. Ça m'a foutrement intrigué. Donc, non, Uzumaki, c'est une curiosité à voir. Je serais curieux de savoir un peu ce que Jeff en a parlé, en a pensé. Je sais que Jeff a écrit des critiques sur notre site pour les films de cette semaine. Donc, vous pourrez aller les voir, mais bizarrement, je ne trouve pas celle d'Uzumaki. Donc, peut-être qu'il a sauté celle-là. Mais je pense qu'il y en avait glissé un mot. Mais il y en avait glissé un mot à la fin du dernier podcast pour la deuxième semaine. Puis il disait qu'il avait très, très apprécié. Puis il disait que c'est un des films originaux qu'il avait vu pour les 31 jours. Donc, vraiment... Pas facile à critiquer. Non, c'est ça. Là, il y a Marc-Antoine sur le chat qui arrête pas de faire il arrête pas de focusser sur le fait que Uzumaki sonne comme un sushi. En effet. Il y a parce que je pense que les sushis, c'est des makis, c'est ça? Donc, mais c'est ça. Donc, c'est à conseiller. Entre-temps, sur le chat, on a plusieurs personnes qui sont arrivées. Alors, on leur dit bonjour. On vous nommera pas tous, mais je vois Marc-Antoine, je vois Crazy Man, je vois David Michaud, je vois Sako Mongro. Je les vois sur le chat, mais j'imagine qu'il y en a d'autres qui nous écoutent sans trop nous jaser. Alors, bienvenue à tous! Donc, l'autre film qui était à l'affiche cette semaine, c'était, excusez-moi, c'était Scarecrows. Ah! Scarecrows! Steven, on l'a écouté tous les deux. Excusez, oui. Mes amis, Sylvain, Audrey, vous allez pouvoir jaser dans pas longtemps. Correct, je fais d'autres choses. C'est bon. Ah, ok. Pardon. Écoutez-moi pas, c'est correct. Mais non. Non, j'écoute en même temps. Hey, je suis capable de faire deux choses en même temps. Hein. C'est... Suggestion c'est de. Suggestion Scarecrow, c'est toi, Steven? Non. Non. J'essaie, excuse-moi, j'ai la page devant moi. Olivier. C'est Olivier? Good. Oui. Bon, ben, ça aurait été fun qu'il soit là pour en jaser, mais écoutons. Scarecrows, écoute, comment résumer ce film-là? Une gang de voleurs qui sont en avion et il y en a un. Ils ont volé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Ont pris un pilote et sa fille en otage. Et il y en a un de la gang qui décide qu'il va sauver avec l'argent. Donc, il se retrouve dans un champ de maïs ou peu importe. Et. Petite ferme, là. Ouais, une petite ferme. Et ils vont se faire attaquer un par un par des épouvantails meurtriers. Et c'est tout la vibe de ce film-là. Je sais pas, Steven. Toi, tu l'avais vu. C'était pas la première fois ou tu l'avais déjà vu? C'est ma deuxième fois. C'est un film qui m'avait laissé mitigé la première fois. Puis j'étais pas pressé de le revoir. Fait que j'ai trouvé ça plutôt amusant de voir qu'Olivier l'avait mis dans les 31 jours. Puis finalement, la manière qu'il m'en parlait, que c'était de quoi de très le fun, finalement, ben je me suis dit, crime, j'ai peut-être juste passé à côté quand je l'ai vu. Mais hey, on se le cachera pas. Moi, je trouve ça cool, le genre épouvantail tueur, et c'est pas quelque chose de très actif. Et honnêtement, je pense qu'on a plus de mauvais films d'épouvantail que de bons. Je pense que le meilleur exemple qu'on peut avoir d'un des bons, c'est juste les 10 premières minutes de Jeepers Creepers 2. Sinon, à part de ça, on n'a pas grand-chose. Le TV movie, Dark Scarecrow ou Dark of the Night, ou de quelque chose comme ça, qui était un TV movie qui avait Dark bonne Harvest. Réputation. Qu'est-ce que tu as dit? Dark Harvest. Non, ça c'est un des pires que j'ai vu. Dark Harvest, c'est affreux. Oh, mais honnêtement... Tu dis pas que c'est un des pires? Tu l'as vu? Non, j'ai juste vu la pochette au club vidéo puis je trouvais que ça avait l'air pourri. Mais je pensais que c'était de celui-là dont Steven parlait. Non, j'en parle d'un bon, là, pas ce machin. Mais moi, Sébastien, Scarecrow, je pourrais dire, même si c'est vraiment un film imparfait, que c'est un des meilleurs films d'épouvantail tueur qu'on a dans le lot. Même il n'y en, ouais, en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. C'est pas un sous-genre très, très développé, je dirais. Non. Pourquoi? En fait, ce qui est weird avec ce film-là, c'est que c'est dans la manière de le raconter, de faire dérouler l'histoire, qui est comme en narration ou écouteur, talkie-walkie. Tout le temps, on a l'impression d'entendre les pensées des personnages. Vraiment, c'est énormément de voix off dans ce film-là. Et on dirait que... Je sais pas si c'est une façon de pallier au mauvais son qu'il y avait pendant le tournage ou qu'ils prévoyaient avoir pendant le tournage. Donc, ils se sont trouvés cette petite gimmick-là pour pouvoir faire énormément de sons en post-prod puis pas trop se casser la tête sur le plateau. Tu sais, au début, c'est correct, à la limite, mais après 20 minutes, j'étais comme, OK, lancez vos walkie-talkie puis essayez de parler face à face. Ouais, c'est ça. Des fois, tu te dis, coudonc, je pense que ça fait 3 minutes qu'on n'a pas entendu vraiment quelqu'un parler à quelqu'un. Là, c'est de vive voix. Là. Ça a toujours été du walkie-talkie. Puis on dirait que même que quand... quelqu'un parle au walkie-talkie, c'est jamais cette personne-là que tu vois. Donc, tu vois toujours la personne qui écoute l'autre. C'est ça qui est ça. À un moment donné, tu sais même plus qui parle. C'est trop mélangeant. Non. Oublie ça. Les personnages sont tous sur le même pied d'égalité. Puis, je m'en foutais qui était qui. Là. Il y en a peut-être juste un dans la gang qui a vraiment une personnalité puis qui se démarque. Là, mais encore là. Ouais, regarde. C'est bien juste parce que c'est le plus peureux de la gang. Puis c'est tout, là. C'est juste parce qu'il joue de l'harmonica, c'est tout. Oui. Mais c'est juste pour ça qu'il est attachant. Mais somme toute, c'est un film qui est divertissant par ses kills, mais qui traîne un peu en longueur, puis qu'il y a vraiment des moments où tu fais comme... Je pense pas que je vais le réécouter très très souvent. Ben, peut-être même que je ne le réécouterai pas, mais je suis content de l'avoir vu quand même, parce que c'est ça, il y a eu quelques moments intéressants, puis les épouvantails sont quand même creepy, tu sais, ils ont quand même... Les meurtres sont quand même gore, sont quand même bien orchestrés, puis le film a une bonne ambiance, je pense que c'est un de ses plus gros points forts, c'est que le réalisateur arrive à installer une espèce de petite ambiance fantomatique, un peu mystérieuse, tu sais pas trop ce qui se passe. Fait que là-dessus, je trouve que ça fonctionne, mais le montage est... Il insiste beaucoup sur des plans qu'on a vus une fois. Tu sais, les trois épouvantails accrochés, on les voit, je pense, au-dessus de 20 minutes éparpillés dans le film. C'est comme on le sait, là. C'est beau. Là. Oui, non, c'est ça. Il récupère vraiment souvent ces plans. Tu sais, c'est un peu dommage pour ça. Et ce cadre sur le mur. Ce cadre sur le mur qui tente de nous donner une clé au mystère qu'on n'aurait jamais deviné. Voyons non, donc. Non, jamais. Il aurait pu nous le montrer une fois, mais non, il faut qu'il nous le montre 7 fois, genre. Puis c'est toujours de la même façon, filmé du même angle, toujours la même take, c'est un peu drôle là-dessus. Par contre, chapeau, parce que j'ai pas réussi à deviner qui était réellement le héros du film, fait que j'avais aucune idée qui c'est qui allait rester à la fin. Non, c'est à peu près tout. Ouais, non, il y a personne. Tu sais, à la limite, t'as le père pis la fille que tu fais comme eux autres, ils méritent pas d'être là, mais même eux autres, tu te dis, coudon, je suis pas sûr là, qu'ils vont survivre jusqu'à la fin, là. Non, c'est ça, t'as raison. Il y a comme personne qui mérite de survivre et il y a personne que tu vois venir à l'avance sa survie. Donc, c'est une des qualités du film de nous faire douter tout le long des survivants. Mais somme toute, non, c'est ça, comme tu dis, dans le sous-genre très très peuplé du film d'épouvantail, il tire quand même son épingle du jeu de façon intéressante. Petite série B sympathique. Oui, exactement. Et, ben écoute, c'est sûr que là, on est juste 4 et ça apparaît. Il y a le prochain film qui nous avait été suggéré par... Est-ce que c'est Olivier encore? Je crois que oui. C'est Olivier du podcast Les Oubliettes qui nous avait suggéré Lady in White. J'ai pas eu la chance de le voir. Non, je crois que c'est Audrey qui l'a vu, elle aussi. Oui, oui. J'ai vu. Alors, ben écoute, Audrey, je vais te laisser parler parce que c'était des moments qui te concernaient peut-être plus, qui te concernaient plus ou moins. Alors voilà, je te laisse le micro pour nous parler de Lady in White. Ok. Ben, est-ce que tu veux que je décrive en quoi ça consiste? Vas-y. Ok. Ben, c'est l'histoire d'un petit gars qui est joué par Lucas. Ah, comment tu prononces son nom? Lucas Haas, ouais, quelque chose comme ça. Ouais, parce que le child actor des années 90, là. Mm-hmm. Puis, il retourne en tant qu'adulte dans sa ville d'enfance, puis il se rappelle des événements marquants qui sont arrivés quand il était petit. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait un tueur qui sévissait dans sa ville, puis qui tuait des petits enfants de son âge. Et là, il découvre ça quand il se fait ami avec une petite fille qui a été tuée par le monsieur. Fait que dans le fond, ouais, il se fait ami avec un fantôme. Là, il essaie de résoudre le meurtre de ces petits enfants-là, de savoir c'était qui le tueur. Oui, parce que alors qu'il est en train de voir le fantôme de la petite fille se faire tuer comme dans un genre de flashback, ouais, lui-même, il tombe face à face avec le tueur sans pouvoir vraiment l'identifier. Exactement. Oui, c'est ça. Donc, il devient une... Il aurait pu devenir une victime si ça n'avait pas été que le tueur avait raté son coup. Comment as-tu trouvé ça? Ben, premièrement, j'étais déçue parce qu'au début, j'étais mélangée. Je pensais que c'était une adaptation du roman de Woman in White de Wilkie Collins, genre le roman, okay, d'horreur. Fait que c'était pas ça pour tout. C'est un petit film genre coming of age d'un petit garçon. Fait que c'est, ouais, comme sympathique, mais genre, tu sais, c'est comme Vicky a dit... Genre, je suis plus là dans ma vie, je m'identifie pas à ça. Tu sais, moi, je suis une vieille fille aigrie, avec un petit gars qui coming of age, genre, ça me rejoint pas vraiment, je m'identifiais pas à ça. Ah, ben, tu vois, moi, toute l'histoire coming of age, je m'en suis foutu un peu. J'étais plus dans l'enquête. Non, mais j'étais plus dans l'enquête et le mystère de ce film-là. Je sais que... JF, dans sa critique, dit qu'il a deviné le tueur après 15 minutes. Je sais pas pour toi si ça a été le cas. Ouais, c'était assez évident. C'est assez évident, mais en même temps, j'avais comme pas le goût de focusser sur « Ah, qui a tué? C'est quoi les indices? » Non, je faisais juste le film. Ok, dans le fond, tu le savais pas pantoute, mais tu veux pas le dire. Non, j'ai juste même pas cherché. C'est parce que dans le fond, j'ai vu JF qui parlait de j'ai trouvé le tueur après 15 minutes. Puis moi, j'écoutais le film, j'étais comme, mais je le cherche pas le tueur, j'écoute le film. Tu sais, je sais pas. J'avais comme pas l'impression que le film était l'enquête à savoir qui était le tueur pour que moi j'essaie de deviner. Parce que je voyais pas d'indice tout le temps. Tu sais, le genre, oh, voici un indice, oh, un contre-indice, oh, non, finalement, c'est... T'sais, on était loin d'un « And then there are none ». Hein? Ouais. Ouais. Donc, aussi, il y a comme un segment, genre, historique, conscience sociale sur le racisme. Ouais. Parce que, tu sais, un moment donné, un des suspects, le policier, tu l'entends parler, puis il dit, genre, c'est peut-être pas lui, mais c'est pas grave, il est noir, les gens, ils vont avaler ça. Puis ouais, c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était... C'est ça le climat, genre. Ouais, carrément, genre, ça fait des années qu'on essaie de clore cette enquête-là, puis c'est notre passe-partout, on va le prendre, puis on va le mettre sur le bûcher, là. Ça m'a... Parce que c'est les années 60. Ouais. C'est pour ça. J'ai une question, moi, alors, à votre honneur. je l'ai pas vu, mais ça m'intrigue. Est-ce que ça fait vraiment film familial ou c'est plus dans la veine de Dead Valley avec le petit gars à Christmas Carol, qui est vraiment comme Dead Valley, un trailer sérieux? Ben écoute, il y avait Goonies, Monster Squad, Gremlins, tout ça, mais je suis pas sûr que Lady in White c'est familial au même niveau. Il y a quand même une couple de scènes troublantes. Je dirais comme rating, pas général, mais peut-être 8 ans et plus, ouais, ou limite 13 ans et plus. Même 13 ans et plus, j'aurais trouvé ça enfantin quand j'avais 13 ans d'écouter ça, mais pas général. C'est pas de jeunes enfants. Non, vraiment pas, parce que ben moi, juste la scène où le petit gars assiste au meurtre de la petite fille fantôme, j'ai eu un genre de malaise, là. J'étais comme, c'est pas le fun à regarder. Il arrive quelque chose avec justement le personnage du faux suspect qui est très troublant aussi. Il y a de la violence. Il y a de la violence, il y a des scènes troublantes. Là. Moi, il y a une scène de tir à l'arc qui m'a vraiment mis mal à l'aise, mais excessivement mal à l'aise. C'était comme, je la regardais puis j'aime pas ce que je vois. Là. Je sais pas c'est quoi qui se passe, mais c'est... Là, il y a Marc-Antoine qui demande « Est-ce que ce film inconnu ressemble à ce film encore plus inconnu à cause de Death Valley? » C'est ça? Non, non, c'est à cause de moi qui ai écrit un peu plus haut. Steven, c'était bien autiste comme question. Il a dit pourquoi. Et on ne dit pas ça comme insulte, s'il te plaît. Ouais, non, je ne sais pas c'est quoi Dead Valley, Steven. Quand tu m'as posé la question, je me suis dit que j'allais éviter le sujet. Ben, honnêtement, j'ai vu ce film-là pour la première fois parce que Scream Factory l'a ressorti. Hey! Mais oui. Je suis plus à l'écran. Les gens, non, non, tu es à l'écran. Tu es revenu à l'écran. Okay. Audrey, c'est comme 8 minutes en retard. Ouais, c'est ça, là, regarde. Et... ça fait okay, tellement 20h34, là. Continue à parler, je m'excuse, j'ai rien dit. Donc, Steven? Ouais, c'est ça, je disais juste que j'avais découvert Dead Valley par Scream Factory, qui était une espèce de trailer à la Hitchcock avec un petit enfant qui a découvert le lieu d'un meurtre, puis il sait à peu près c'est qui le meurtrier, mais personne veut le croire. Puis je me demandais si Lillian White avait le même genre de ton. Puis c'est vrai que c'est un film, les deux films finalement, c'est vrai qu'ils sont assez inconnus, puis c'est dommage parce que j'ai beaucoup aimé Dead Valley, fait que vous me donnez envie de voir Lillian White. Écoute, de ce que tu me dis, ça ressemble beaucoup à ça, là. Ce petit gars-là qui a vu Fantôme, mais évidemment, c'est le seul à l'avoir vu, donc c'est le seul à avoir des indices un peu paranormaux qui peut pas vraiment partager avec personne d'autre, excepté son grand frère qui arrête pas de l'insulter, mais c'est comme exagéré, là, son grand frère, qui était comme... t'es pas capable de dire une seule phrase sans dire que c'est un ticoune ou que c'est un moins que rien. Il est incapable de juste dire « Oui, salut mon frère. » Non, c'est comme « Hey, salut le morveux. » Tu sais, ça en devient gossant. Là. Tous les personnages sont très réalistes, sont très grandés, mais son frère est sorti d'une comédie familiale. Lui, c'est excessivement mal écrit. Mais bon. Ben, les membres de sa famille aussi, c'est un peu. Ah oui, le grand-père! Caricature de la famille italienne. Oui, c'est vrai, t'as raison. Le grand-père et la grand-mère italienne, là, ça fait vraiment la maman italienne qui, un peu plus, donne-y un rouleau à pâte, puis elle va courir après le grand-père. Manges-tu du spaghetti en plus? Je me souviens pas, mais il fume des cigarettes en cachette. Mais non, somme toute, moi je le recommande très fortement, Lady in White. Je regarde rapidement, puis c'est une de mes grandes découvertes des 31 jours d'horreur. Là. Je suis très, très, très content de l'avoir vu. Toi, Audrey, est-ce que tu le recommandes? Je trouvais ça sympathique, mais je le réécouterai pas. Ça m'a pas vraiment rejoint. Il y a une chose que j'essayais d'expliquer un peu, Lady in White, le feeling que j'avais quand j'en ai parlé avec ma blonde, puis j'ai dit, c'est un film qui a des longueurs, où ce que tu fais comme, mais pourquoi tu mets ça dans ton scénario? C'est pas nécessaire. Mais il n'y a aucune de ces longueurs-là que je couperais. C'est ça qui est weird, parce que... ça reste intéressant. Ouais, ben ça reste que ça fait partie du film, c'est la couleur du film. Exemple, toute l'idée que c'est lui, adulte, qui retourne chez lui, puis qui raconte comment ça s'est passé quand il était enfant. En bout de ligne, ça aurait pu commencer à lui, enfant. C'est ça. Mais tout le long du film, de temps en temps, t'as la narration de lui en adulte qui vient ponctuer certains moments, puis je trouvais ça... cute. J'aimais ça, ces narrations-là. Fait que finalement, je me suis dit, ah ben ok, non, je couperais pas, c'était correct. Mais c'est ça, il y a plein de trucs que tu te dis. Il y a beaucoup trop d'histoires par rapport justement à ce faux suspect noir-là. Puis tu te dis, ben écoute, on aurait juste pu focusser très très rapidement là-dessus, dire ce qu'on avait à dire, puis passer à autre chose. Mais non, je pense qu'il passe peut-être un 10-15 minutes sur ce personnage-là. Ben, c'est pour dénoncer le racisme et les injustices sociales. C'est ça, mais tu sais, souvent les films l'auraient fait en clin d'œil, auraient passé très très vite, exemple avec juste la réplique du policier, mais non, il y a des scènes avec la femme, il y a des scènes à l'église, il y a beaucoup de scènes où tu fais comme ok, évidemment il rajoute toujours sur cet élément là, mais c'est très drôle parce que, ben pas très drôle, mais c'est plus curieux qu'un film qui traite de ce petit gars là qui voit un fantôme ajoute ce message social-là vraiment tu sais qui est pas la principale ligne narratrice du film donc c'est ça mais vraiment j'ai très très très apprécié. On va y aller avec un dernier avant de passer en musique, les amis, parce que je me rends compte qu'on passe très très vite étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont vu ces films-là, mais là on tombe dans ceux qui ont été vus par plusieurs d'entre vous. Et on y va avec le quatrième de cette liste, et j'ai nommé Society. Et là, ben, ça fait longtemps qu'il est tranquille, fait que Sylvain, je te donne le micro pour nous commencer ce résumé de Society. Ben oui, puis tu me demandes de résumer Society. Quoi dire? Eh bien, ça commence avec Billy Warlock de Baywatch qui commence à douter des gens qui l'entourent, commence à voir des choses un peu bizarres, comme une bosse dans le dos de sa sœur qui disparaît, puis des choses un peu weird. Et il se rend compte qu'il se fait souvent répéter qu'il sera un bel ajout à la société. Et éventuellement, on découvre que... Ben, j'y vais-tu jusqu'au bout? Non, oui, vas-y. En fait, il y a un certain groupe de personnes qui se fait appeler la société, qui font toutes sortes de choses, y compris le chanting, je pense qu'ils appellent. Chanting. C'est quelque chose de spécial qu'il faudra voir le film pour comprendre. Pour comprendre, oui. Oui, parce que moi, je n'ai pas vu. Ah, tu l'as pas vu? Non. Ah. Écoute, je te dirai pas c'est quoi le chanting, mais c'est quelque chose à voir. Je pensais que vous l'aviez vu ensemble. Oui. Ben non, mais c'est moi et Sylvain. OK. C'est vrai. Et puis, ben c'est ça. Moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de défauts. Par exemple, on veut clairement faire une critique de la société, mais je trouve qu'elle n'est pas assez subtile à mon goût. Je trouve que l'humour est vraiment trop dans ta face. On te dit clairement... Ah, je veux pas trop en dire parce que je veux pas dévoiler ce que c'est la fin, mais on dit clairement le message du film sans aucune subtilité. Puis bien, c'est cela. C'est drôle, le réalisateur utilise des termes bien connus pour vraiment les utiliser. Tu sais, l'expression « avoir la tête dans le cul »,« se fondre dans la masse », c'est vraiment des termes qui s'amusent à jouer avec énormément, ce qui est assez surprenant. Ben, moi, comme Sylvain, j'avais des très grosses attentes. On s'entend que ce film-là est considéré comme le meilleur de Brian Yuzna. J'en ai entendu parler depuis tellement longtemps. Je dois avouer que pendant la première heure, j'étais un petit peu déçu. Il y a une scène en particulier sous la douche qui est vraiment creepy puis fucké. Mais après ça, le film, c'est vraiment juste l'enquête de M. Baywatch qui essaie de savoir qu'est-ce qu'il y a de weird dans sa famille puis comprendre. Puis j'étais comme, je sais pas, mais ça, c'est un petit peu long. Puis le film a une vibe bizarre. Il tente par moments d'être sérieux puis choquant. Puis par d'autres moments, il essaie d'être drôle, mais avec une musique à la Full Moon très, très, très cheap qui vient appuyer des moments loufoques qui n'ont pas sa place, je trouve. Là-dedans, tu as un personnage, la mère de sa copine ou d'une fille qu'il aime, que c'est vraiment le clone de John Candy qui a été mélangé avec une boîte de Skittles. Ah oui. What? OK. Wow. John Candy mélangé avec une boîte de Skittles. J'ai pas compris ce personnage-là, c'était tellement bizarre. Pourquoi? Ça sert à rien. On dirait que ce personnage-là est là juste pour rajouter un aspect encore plus weird au film, mais ça sert à rien. Mais lorsqu'il arrive... Le personnage fait pas partie de la société. Exactement. Mais lorsqu'il arrive les 20 dernières minutes du film, je comprends maintenant son statut. Son utilité, mais c'est les 20 minutes du film qui fait vraiment toute sa réputation. Les 20 dernières minutes en termes d'effets spéciaux, en termes d'expérience. Je me pensais quasiment dans un H.P. Lovecraft, mais encore plus délirant. C'est vraiment weird. Par moments, il y a même des images qui me rappelaient From Beyond de Stuart Gordon, mais en même temps, c'est pas étonnant vu que Brian Yuzna a tout le temps travaillé avec Stuart Gordon. Puis il a sans doute été influencé par lui. Mais c'est un film vraiment spécial et unique qui m'a plu aussi comme Sylvain. Mais ça a ses défauts, malheureusement. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on n'a jamais vu ailleurs. Et je... Avant de laisser la parole à Audrey, je veux juste dire que c'est vraiment juste l'humour qui m'a dérangé de ce film-là. Si t'enlevais l'humour, là, t'aurais vraiment un bon film solide. OK. Parce que le film essaye de pas trop se prendre au sérieux? C'est que... Ça vague tout le temps. Premièrement, l'humour n'est pas drôle. Okay. Premièrement, l'humour n'est pas drôle. Puis deuxièmement, si le film n'avait pas d'humour, on serait vraiment pris dans cet univers-là, puis on serait vraiment comme dégoûté. Mais vu qu'on essaie de nous faire rire et que ça ne fonctionne pas, ou même si ça fonctionnait, rire de ces scènes-là, j'aurais préféré absorber ces scènes-là puis être vraiment troublé par ce que je vois, plutôt qu'on essaie de me faire rire, ça me sort un peu de mon état un peu troublé, bref. Ouais. Ouais, je trouve que ça nuit au film, mais je suis très curieux de savoir ce qu'Audrey va dire là-dessus. Ben, ouais, j'avais des attentes assez négatives par rapport au film. Je me suis dit genre, oh, encore une affaire de comme d'humour vulgaire puis de gore dégueulasse. Mais tu sais, j'ai rien contre le... En fait, j'ai rien contre le gore, mais tu sais, des fois, c'est juste comme... Il y en a trop pour rien, là. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mm. Ouais. Fait que, mais non, mais finalement, j'ai aimé ça contre toute attente. C'est vrai que l'humour, c'est un peu... Ça tombe à plat, des fois. Mais... L'intrigue est intéressante. La scène finale, ça m'a fait penser. J'ai trouvé ça me faisait penser à Cronenberg. Ouais. Mmh. Ouais. Oui, ça joue beaucoup avec la chair. Ouais. Ouais, faut le voir simplement pour les dernières minutes. Ça vaut la peine. C'est sûr que ouais, l'humour est un peu poche, vulgaire, mais c'est le point négatif. Sinon, c'est vraiment agréable à écouter. Mais tu sais, c'est drôle parce que ça a l'étoffe d'un premier film. C'est vraiment une série B, mais contrairement aux autres séries B de l'époque, tu sais, Brian Yuzna essaie vraiment de dire de quoi, de faire de quoi avec son film. Puis c'est sûr que ça n'a pas le potentiel d'un grand long métrage avec la subtilité de critiquer la société et faire une satire sur les riches. Mais tu sais, il essaie puis il fait. Puis même si c'est pas subtil, je trouve que son message va droit au but. Puis ça donne lieu pareil à des scènes intéressantes, mais c'est vrai que l'humour est vraiment so-so. Puis les acteurs aussi, il y a des acteurs qui... Moi, j'aime bien Billy ou Bill de Baywatch. Tu sais, je me suis habitué à son jeu. Il n'y a aucun acteur là-dedans qui se démarque vraiment, mais tu sais. Ouais. Par contre, il y a la fille de Slumber Party Massacre 2, la drummer, qui est dedans. J'étais comme impressionné de la voir. J'étais comme, yeah! Elle jouait avec qui? Elle jouait la copine de Bill Lee. C'est la blonde avec du rouge à lèvres. Ah, ouais. Ah, son maquillage était beau. Mais elle soit une gifle de crème. Mais je pense que c'est le tien parce qu'elle avait le même dans l'autre film. Sylvain, est-ce que tu vas faire un tutoriel? Parce que j'aimerais ça savoir comment faire à la maison. écoute, tu me mets des mauvaises idées dans la tête. Donc, est-ce que c'est à voir ou on écoute un slather, comme dirait Marc-Antoine sur le chat? Non, c'est à voir pareil. Slather, oui, ça en influence beaucoup, mais je trouve que les 20 dernières minutes de Society, il y a des choses que tu vois pas dans Slather. Et c'est une bonne ou une mauvaise chose? C'est une très bonne chose, parce que c'est vraiment impressionnant au niveau effets spéciaux. Mm. On a certaines personnes qui n'ont pas trop aimé. Par contre, on a Sako Mongro qui dit « J'ai pas aimé ce film, c'était trop premier degré. » Et Les douze folies de Nikki qui dit « Audrey, je veux ton chat. » Mais ça, c'est autre chose. Et on a Crazy Man, c'est qui dit « C'est côté Grindhouse pas mal. » Est-ce que c'est Grindhouse? J'ai pas trouvé, personnellement. Moi, je vais avec une question de même parce que c'est le feeling que ça m'a donné juste à regarder un peu les images. Puis, ça me donnait un feeling basket case, non? Non, c'est plus compétent qu'un basket case, vraiment. On a David Michaud aussi qui dit à place de Society, je me suis claqué Slither à place. Donc, je pense que pour ceux qui veulent dans le genre, il y en a une couple qui sont d'accord là-dessus. Puis je pense qu'on va passer en musique avant de compléter, avant d'aller au deuxième bloc, pardon. Et évidemment, on va toujours avec les suggestions de Guillaume Couture pour ses 31 jours d'horreur. Et j'y suis allé pour me gâter, alors on va y aller avec la pièce Dead Souls, un cover de Joy Division par Nine Inch Nails. Et on se retrouve après pour le film, American Psycho. Hey, à la fin des épisodes, on dit tout le temps « garder ça horreur ». Comment est-ce qu'on fait pour garder ça horreur? Pour garder ça horreur, JF, il y a plusieurs moyens. Premièrement, sur iTunes, on peut donner 5 étoiles au podcast, en plus d'écrire un commentaire, comme ça, ça nous fait monter dans les recommandations. Ensuite, à la fin des billets sur notre site, on peut trouver un lien Amazon qui nous amène sur le site Amazon. Dès qu'on fait un achat, Horror Gamer reçoit une ristourne. Puis en plus, hey, c'est simple, tu peux juste en parler à tes amis puis dire à quel point Horror Gamer, c'est un podcast tellement cool. C'est quoi l'adresse du site? www.horrorgamer.ca. Fait que tout le monde, gardez ça horreur. Donc, on est de retour pour le deuxième bloc de cette semaine, la troisième semaine des 31 jours d'horreur. Et ce troisième bloc débute avec la sélection de Sylvain Desmentis. Et j'ai nommé Leeches, avec un point d'exclamation, je crois. Mais non. Mais non? On parle pas de American Psycho avant? Hey, American Psycho, c'est vrai, excusez. J'ai nommé le titre tantôt, j'avais l'impression qu'on en avait parlé. Excusez-moi. Aussi impatient je suis de parler de Leeches. On veut parler d'American Psycho. Et je crois que tout le monde l'a vu. Yeah! Tout le monde l'a vu! Yeah. J'imagine que c'était pas votre première écoute. Non. Mais moi, je l'ai vu il y a quelques années, mais je l'ai pas réécouté. Là, okay. Mais ça va, je m'en souviens bien. Moi non plus, je l'ai pas réécouté, mais je l'ai vu quand même assez souvent pour bien m'en souvenir. Je vais vous poser tout de suite la question. Je sais que Sylvain et Audrey, vous êtes des bons lecteurs. Est-ce que vous avez lu le livre? Non, pas toi. De Bret Easton Ellis. Ouais. Moi, je l'ai commencé avec beaucoup de volonté. Je me suis rendu à 200 pages, puis j'ai arrêté. Je n'étais plus capable. OK, après 200 pages quand même, tu t'es rendu loin pour dire... Ça n'a rien à voir avec le gore ou quoi que ce soit. Je suis juste pas capable d'endurer ce personnage-là. Moi non plus, je l'aime pas. Ça me donne pas envie de lire ses livres. Mais, c'est lui le narrateur, donc c'est que lui, t'es juste dans sa tête tout le temps. Il était quand même fini Fifty Shades, Sylvain. Ça se lit plus rapide de lire. Premièrement, il n'y a pas tellement plus que 200 pages. J'avoue. Deuxièmement, ça se lit vraiment plus facilement. Mais en même temps, Fifty Shades, c'est pas tellement loin de American Psycho. Hey, qu'est-ce que vous en avez pensé d'American Psycho? Là, je vous entends dire je n'aime pas ce personnage-là. Je pense pas qu'on puisse aimer ce gars-là. Est-ce qu'on peut vraiment dire waouh, quel bon. Ben, à la limite, quel personnage intéressant à la limite, mais je pense pas. Quel personnage sympathique! J'espère qu'il va s'en sortir pas à la fin. Non, je pense pas. Non, mais moi je voulais dire que j'aime pas le personnage, mais j'aime l'auteur, genre c'était comme un pas fin qui pomme du beef avec tout le monde sur Twitter puis qui dit des choses inappropriées puis controversées. Oh. Fait que ça me... Je sais pas, Sylvain, sais-tu de quoi je parle? On a-tu entendu parler? Je sais parfaitement de quoi tu parles, puis je trouve ça bien plate aussi. Fait que ça me donne pas le goût de lire ces livres. Mais là, on veut savoir de quoi vous parlez, là. C'est pas une side on the Mais je pense qu'il a fait des commentaires inappropriés sur le sida. C'était quoi l'affaire? Je connais pas ce commentaire-là. Je sais qu'à l'époque du casting de Fifty Shades of Grey, lui, il était de ceux qui disaient que Matt Bomer pouvait pas jouer le personnage parce qu'il est gay dans la vraie vie. Donc, on pourrait pas l'associer à un rôle d'hétéro, tu sais, parce qu'un gay peut pas jouer un rôle d'hétéro. Même si Bret Easton Ellis est personnellement pas hétérosexuel. Okay. Ça, c'est un gay qui a comme de la haine internalisée. Il a vraiment beaucoup de problèmes avec l'homosexualité, donc j'imagine son propre homosexualité. D'ailleurs, dans la fanfiction, ben pas dans la fanfiction, mais dans l'autofiction qu'il avait écrit, il était marié avec une femme. Il était pas question de monsieur. En tout cas, ça non plus, je l'ai pas lu au complet parce que je l'ai pitché au bout de mes bras, j'étais plus capable. Mais en tout cas, il disait qu'il était marié avec une femme. C'est une personne vraiment difficile. C'est complètement stupide parce que pourquoi un gay pourrait pas jouer un hétérosexuel alors que les hétérosexuels au cinéma jouent des gays? Ah, ok, l'affaire qu'il avait écrit Watching Glee is like stepping into a puddle of HIV. What? Fait qu'il écrit tout le temps des affaires de même sur ses réseaux sociaux. Okay. Comme... Ouais. Ok. C'est quelqu'un de très dérangeant. Mais c'est quelqu'un qui dérangeait beaucoup avec ses romans. Ouais. Mais maintenant qu'il y a Twitter, il est juste libre de commenter et de répandre son dérangeant un peu partout. Mm. Ouais. Mais puis si on revient au film, ce film-là, j'ai... Je sais pas si c'est moi, J'aime ce film-là. Là, tu sais, je trouve intéressant. Hein, je trouve que il y a une bonne progression puis tout ça. Mais on dirait que je me fous du message à la fin, ou le message à la fin m'intéresse pas plus qu'il faut. Puis cette finale-là, je suis comme juste comme ouais, ok, ben c'est ça, le film est fini. Est-ce que je suis seul dans ce mood-là? Non. Je le vois pas comme le gros classique que tout le monde le dit, mais ce qui fait vraiment sa force, puis je l'apprécie comme toi, son message de la fin me laisse pas mal indifférent, c'est surtout le personnage de Patrick Bateman que non, je l'aime pas, mais je le trouve fascinant, puis fascinant parce que Kristen Bell offre une performance écœurante là-dedans. Là. Ouais, en effet, je pense que tout repose sur Kristen Bell parce que si on n'avait pas eu quelque chose aussi investi que lui peut le faire, c'est un film qui aurait passé dans le beurre, vraiment. Je sais pas si vous suivez les élections américaines, mais moi, je trouve que le personnage de Patrick Bateman, il me fait penser au fils à Donald Trump. OK, ouais, je vois le genre. En effet, oui, oui. Genre de gars qui est tout cuit dans le bec, puis quand tu le regardes travailler, tu fais comme, tu fais-tu vraiment quelque chose, man? Ou bien, t'es juste chanceux d'être tombé dans l'entreprise à papa, là. C'est vrai qu'il y a un comportement très très fils de riche qui arrive à sa job avec son Walkman. C'est comme je fais ce que je veux, je mets ça mon. Puis, ouais, ça, au moment de sa musique des années 80, c'est ce qui fait en sorte que toute la musique dans le film est vraiment écœurante. Puis la scène avec Jared Leto dans l'appartement reste pour moi la meilleure scène du film, puis je la trouve vraiment écœurante. Ouais, c'est vrai. Avec la hache puis le raincoat. Ouais, ouais, vraiment. J'aime vraiment beaucoup cette scène-là, mais. Moi, celle qui m'a marqué, c'est la scène avec les deux prostituées puis la chaîne de ça. Oui, là. Ouais, vraiment, cette scène-là, là, t'es comme... Et puis, j'aime que le film ait été jusqu'au bout de la proposition, quand même. Mm-hmm. Ouais. T'sais, oui, il y a des trucs qui sont suggérés, mais quand même, admettons, cette scène-là avec les prostituées, on s'entend qu'elle va loin là, dans le visuel. Mais c'est correct. Oui, vas-y, Audrey. Il y a aussi, tu sais, pour notre auditrice, les douces folies de Nikki, genre, écoute pas ça, parce qu'il y a une scène très dérangeante avec un chat, un moment donné. OK, oui. Oui! Non, c'est un chien. Un chien? Ben, y a attention. C'est un chien. Non, c'est un chaton, puis un ATM, non? Oui. C'est vrai, il y en a deux, excuse-moi. Il y en a deux. Il y a un chien avec le le sans-abri, puis oui, effectivement, le chaton avec le ATM vers la fin. Okay. Mais c'est drôle, j'ai loué ce film-là à l'époque, puis j'avais vu beaucoup de gens qui critiquaient quand même pas si bien que ça, parce qu'ils trouvaient que c'était beaucoup plus soft comparé le livre. Puis honnêtement, c'est comme, non, j'aurais pas voulu que le film soit plus trash que ça. OK, tant non, mieux, non, c'est le livre est trash, mais je trouve que le film dose bien des choses, puis j'ai pas besoin d'en voir plus. Là. Je voulais vraiment que Dom soit là pour défendre ce film et ce livre. Je serais vraiment... Mais à l'image de son personnage, je trouve que le film, c'est un film d'horreur chic. Oui. C'est rare qu'on voit ça, c'est rare qu'on voit ce genre-là. Mm-hmm. Très, très, très, très, très, très. Le film arrive à te fasciner avec une scène de 3 minutes sur des critiques de cartes d'affaires. C'est fort pareil, oui. Là. Elle est vraiment bonne, cette scène-là, puis je suis impliqué dedans, alors que normalement, je m'en fous, là, tu sais. Ah oui, oui, puis... J'aime bien, tu sais, cette scène-là où tout le monde va faire de la coke dans les toilettes. Parce que, bon, yeah, j'essaie de faire de la drogue tranquille. Là, t'es comme cool, hein? C'est. Puis, il y a Willem Dafoe avec ce personnage de d'inspecteur détective qui est comme. What? Qui est comme. Il la joue gros à la Willem Dafoe, là, tu sais. Et là, Steven, t'as une face. Ouais, ça représente Willem Dafoe. Mais non, c'est ça. Oui. Willem Dafoe qui fait du Willem Dafoe dans le fond. Il est tellement creepy de nature, ce gars-là. Ouais. Il est malaisant. C'est fou. Puis c'est drôle parce que autant je n'aime pas Patrick Bateman, ce personnage-là, autant que pendant qu'il se fait comme interviewer par le personnage de Willem Dafoe, on dirait que tu fais comme man, tu vas te faire avoir. Attention, tu vas te faire avoir. Ah, oui, c'est vrai. Mais tu sais, je veux qu'il se fasse avoir, mais. Pas de cette manière-là, t'es comme, voyons, non, man, ta gueule! Tu vois bien que t'es en train juste de te caler, puis t'étais juste une entrevue, une petite séance de questions, ben casual, puis tu deviens suspect numéro 1 tout d'un coup. Juste parce que tu te contrôles pas. Et Ben, je pense que on va y aller dans les spoilers. Qu'est-ce que vous pensez de cette fin-là qui est complètement... ce n'était qu'un rêve, ce n'était qu'un fou, ce n'était qu'un... Ben, est-ce que tu peux m'expliquer, s'il te plaît? La fin, c'est que, dans le fond, vers la fin, Patrick Bateman se fait poursuivre par la police et il y a un genre de petit killing spree, là, où il tue... Il tue plusieurs personnes, il se retrouve dans son appartement et là, il appelle son avocat en disant « Man, je suis dans la merde, j'ai tué une trentaine de personnes, j'ai tué Paul Allen, j'ai tué tellement de gens, je sais plus, là, je suis dans la merde. Demain, je vais être à tel resto, puis il va falloir qu'on jase. » Puis le lendemain, quand il va voir son avocat, puis qu'il s'en jase, ben déjà là, il est allé à l'appartement de Paul Allen avant et il se rend compte que l'appartement est à louer et que... Paul Allen n'habite pas là. Là, t'es comme, OK. Genre, la salle de bain n'est pas une salle de bain, c'est un placard. Et quand il voit l'avocat fait comme, ah, oh, c'est toi, Davis, qui a laissé le message sur le répondeur. Je me semblais bien que ça pouvait pas être Patrick Bateman qui me laissait ce message-là. Et là, tu fais comme, OK, ce n'est pas Patrick Bateman? Qu'est-ce que c'est? Mais pourtant, quand il vient se rasseoir avec les gars autour de genre la table... C'est comme si les gars l'appelaient Patrick Bateman et tout le monde s'en foutait, mais c'est comme si tout d'un coup, il se rendait compte que tout ce qu'il avait fait, c'était pas vrai, mais que c'était des désirs tellement... Il avait tellement le goût de faire ces actes-là qu'il était convaincu de les avoir faits, je sais pas. C'est étrange. Mais on le voit, c'est un rappel... Moi, ça m'a pas trop dérangé dans le sens où c'est un rappel à ce qu'on voit au tout début, là, à un moment donné, il est au bar, puis il arrive pas à commander un verre, puis... Il insulte la serveuse, mais finalement, il l'insulte pas vraiment. C'est pas vraiment ça qu'il a dit. Fait que, tu sais, on comprend qu'on est plus dans sa tête que dans la réalité. Là. OK. Ça m'a pas trop dérangé. Ceci étant dit, je suis d'accord avec toi que le dernier tiers, c'est pas la partie que je trouve la plus intéressante du film. Non, puis le reveal, qui essaie de passer un message avec c'est Reagan, je pense, c'est Ronald Reagan à télé, puis tout ça, puis d'autres qui se mettent à commenter, tout ça, je suis comme, oh, non, je sais pas, je sais pas si c'est juste moi, mais on dirait que le film le fait pas, le message avec moi, j'ai comme pas le goût. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur American Psycho? Psycho. On a fait un épisode au complet à prononcer Psycho, tout quoi. Ça prendrait la voix la voix suave de JF qui fait Psycho. Psycho. À chaque fois. Ouais, c'est ça. Je le ferai pas au montage cette fois-ci. Jeff avait décidé de le faire. Puis c'était même lui-même qui avait choqué en plein milieu, mais non, je n'y vais pas. je pense que ça conclut American Psycho. Psycho! J'ai fait juste pour Audrey, celui-là. Psycho. Psycho. Américain psycho. Et là, Sylvain, c'est vrai, on y va avec ta suggestion. Et j'ai nommé Leeches. Et là, c'est ça, je me répète, mais point d'exclamation ou je sais pas trop, c'est la façon que je le trouve sur Internet. Mais oui, non. Il y a un point d'exclamation dans le générique du film, mais pas nécessairement sur la pochette, dépendamment de la pochette que tu regardes. Mais c'est Leeches. OK. Donc, moi, comme tu l'as dit, Sébastien, c'était certain que j'allais parler, que j'allais suggérer un film de David de Coteau. Mais celui-là, il est vraiment spécial pour moi parce que c'est non seulement mon film préféré de David de Coteau, c'est le film de David de Coteau qu'il faut regarder si vous ne le connaissez pas, à mon avis. Mais c'est le film qui a comme parti tout ce que je suis et que je fais aujourd'hui. Okay. C'est le film qui m'a fait aimer David de Coteau. C'est le film qui m'a fait comprendre David de Coteau. C'est le film qui m'a fait comprendre qu'un mauvais film, ça pouvait être divertissant. C'est le film qui m'a fait comprendre le deuxième degré d'un film. Tout est comme parti de cette affaire-là. Puis je trouve ça vraiment bon, là. Moi, c'est le premier que j'ai vu de Coteau, en fait, monsieur. Okay. Et le dernier. Oh, mais continue, Sylvain, excuse-moi. Je vais juste raconter le synopsis rapidement. C'est l'histoire de l'équipe de natation d'une école secondaire qui est vraiment très réputée pour son équipe de natation, apparemment. Et puis là, ils ont tellement la pression qu'ils décident de prendre des stéroïdes. Et là, les sangsues sucent leur sang pendant qu'ils nagent dans le lac. Ils sucent tous leur sang stéroïdé et donc elles deviennent stéroïdées, géantes et tueuses. Parce que c'est l'évolution naturelle des choses. Ouais. Des censés être des SPAC. Mm. Et donc, ce que j'aime de ce film-là, c'est oui, l'aspect vraiment cheap des sangsues. Oui, j'aime le fait que en plein milieu du film, ceux qui étaient les héros disparaissent, puis les personnages principaux deviennent d'autres personnages qu'on avait vus en background. J'aime beaucoup voir des scènes genre le gars a peur. Un gars et une fille trouvent un cadavre dans un bain. Il y a une sangsue qui s'approche d'eux autres. Le gars a peur. La fille se met devant lui pour le protéger et la fille décide de l'écraser, la sangsue. Je trouve ça le fun de voir une scène où un gars et une fille s'apprêtent à faire l'amour. Le gars se retrouve en sous-vêtement. La fille fait « Ah, oh, il n'y a pas de condom. » Elle sort pendant que le gars attend sur le lit en sous-vêtement. J'aime voir justement tous les stéréotypes inversés. J'aime que ce soit le corps de l'homme qui soit exploité cette fois-ci plutôt que le corps de la femme dans tous les autres films d'horreur ever. J'ai vraiment beaucoup d'amour pour ce film-là. Puis allez-y, là, vous pouvez le dire que c'est pas un bon film. Je suis d'accord avec vous. Mais pour moi, là, c'est vraiment un film qui m'a marqué, puis je l'aime beaucoup, puis je le trouve encore très drôle. Puis il y a des répliques aussi qu'il faut voir. C'est intéressant de voir le film en anglais, évidemment, si vous écoutez le film en anglais, mais en français, j'ai l'impression que la personne qui s'est chargée du doublage était vraiment consciente du film qu'il était en train de faire. OK. Parce que il y a des doubles sens en français qui se retrouvent pas en anglais. C'est bien intéressant. Genre, quand le capitaine de l'équipe fait avaler des stéroïdes à son coéquipier. Il lui dit « Allez, avale tout. T'aimes ça, hein, mon cochon? » L'autre qui avale l'alcool, il prend ça avec l'alcool, puis il fait « T'en veux une giclée? » Il n'y a pas l'équivalent en anglais, puis je me dis, les gens qui ont traduit ça, ils savaient vraiment ce qu'ils faisaient. Là. Wow! C'est vraiment très drôle. Puis, c'est doublé québécois ou français? Oui, c'est doublé au Québec, c'est distribué par TVA Film, je pense. Mm-hmm. Oui, t'as raison. Donc, j'ai vraiment beaucoup d'amour pour ce petit film mauvais. Steven? Ben moi, j'accompagne pratiquement tout ce que dit Sylvain, à part le fait que je prends pas autant de plaisir que lui à voir des hommes nus. Mais moi, je trouve que c'est du « so bad it's good » volontaire. Et réussi, parce que je trouve que du So Bad It's Good, normalement, qui est volontaire, c'est rarement réussi. J'aime pas ça. En effet. Et David Decoteau, je crois qu'il est juste vraiment conscient du film qu'il fait, puis il s'amuse en même temps. Fait que je trouve que c'est vraiment du bon So Bad It's Good. Il y a tellement de scènes what the fuck hilarant, là. T'as une scène au début où le gars, ça va faire sa pratique dans la piscine. T'as un long slow motion, puis la scène s'étire sur 5 minutes où il essaie de sortir de la piscine, mais sa main, en s'agrippant sur le rebord d'escalier, elle glisse. Puis là, c'est juste lui qui regarde sa main de manière tellement offusquée puis insultée, puis après, il regarde le rebord, puis il est comme « Mais pourquoi j'ai glissé? » C'est vraiment ça pendant 5 minutes, c'est tellement drôle. Mais toute l'intrigue alentour des sensus aussi est tellement drôle. C'est stupide, là. À la fin, t'as un gars qui est attaché... C'est ça, la twist? Non, non, mais il y a une twist à la fin, je pensais que tu allais la dire. Faut pas la dire, c'est une twist. J'allais dire le truc avec la corde. Ah, comment il a réussi à se détacher. OK. Ça en est une, ça? Non. OK. Le gars va manger la sangsue pour avoir les stéroïdes de la sangsue pour être assez fort pour éclater la corde avec ses bras. Hey, il fait un Popeye de lui. C'est du génie, ouais, c'est vrai. C'est bon. Wow. Hey, je me souviens pas de ça. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai vu. Je l'ai vu quand c'est sorti. Puis, moi, je me souviens que les sangsues, c'est carrément des mitaines de four peinturées. Ah oui! D'ailleurs, excuse-moi de t'interrompre, mais je voulais juste révéler un secret. Les gens pensent que c'est David Decoteau là, qui a la main dans les sangsues et qui caresse les beaux gars. Mais non, c'était pas lui. C'était un puppeteer professionnel. Du nom de Victor Salva. Professionnel. Du nom de Victor Salva. Oh, ouais. Non. J'ai pas dit ça. Non, c'est ça. C'est juste parce qu'on a vu Jeepers Creepers en chat tantôt. Ça t'a fait penser à ça? Oui. OK. Pour ceux qui ne savent pas qui est Victor Salva, vous googlerez et vous verrez que c'est un... C'est un sale trou de cul. Et, ouais. Mais non, c'est ça, je me souviens pas beaucoup de scènes de Leeches, mais je me souviens avoir eu un fun. Et je l'ai vu quand c'est sorti en 2003. Oui. Et je pense qu'à l'époque, j'appréciais pas encore les So Bad It's Good. Dans le sens que, tu sais, je pense que j'étais à l'époque, 2003, je commençais mon bac à l'université en cinéma et en théâtre, fait que c'était le genre de film que je trouvais peut-être un peu... je regardais de haut, mais je me rappelle avoir eu du plaisir. Et je me rappelle m'être dit, OK, c'est correct des fois de rire puis d'avoir du plaisir à écouter quelque chose de mauvais, tu sais. Ben, de mauvais, tu sais. Un film n'est pas obligé d'être parfait. Tu sais, dans le sens que un film n'est pas obligé d'être parfait puis que quand il me fait rire, c'est parce qu'il a fait une blague, tu sais. Je peux rire de ce que le film offre. Et puis de voir d'autres degrés dans l'humour. Et ça, c'est ce que j'avais retenu de Deaches. Et c'est le genre de film que je garde toujours en tête en me disant « Ah oui, faut vraiment que je le voie. » Fait que quand tu l'avais suggéré, j'ai pas eu le temps de le réécouter cette semaine, mais sérieusement, j'étais très, très, très content que tu le proposes. Mon premier visionnement de ce film-là, il a été très étrange et marquant parce que j'ai loué ça au Vidéotron avec mon père, puis il a vu la pochette. Il était déjà complètement en train de rire, puis il était comme oh, on pourrait avoir du fun avec ça. Puis finalement, j'ai écouté ce film-là avec mes deux parents. Puis ma mère, à un moment donné, est comme c'est-tu moi ou il y a beaucoup de gars tout nus? Je savais pas quoi répondre. Oui, il y a beaucoup de gars tout nus. Je sais pas pourquoi. Je comprenais pas trop. Je connaissais pas vraiment David Decoteau à l'époque. Fait que... En effet. Ah, oh, c'est très très drôle. Et tu passes sur le chat, on a David Michaud qui dit j'adore les choses aussi. Puis, c'est David aussi qui dit que tu avais fait un épisode, Sylvain, dans ton... Dans, à l'époque, le septième démenti était de Seventh on Liar. Non, mais en fait, avant de te rencontrer, Sébastien, avant de te connaître, je connaissais seulement des critiques vidéo en anglais. Puis, je voulais me partir ça sur Blip parce que je me disais que YouTube bloquerait mes vidéos. Puis, en tout cas, Blip, il prenait juste des vidéos en anglais. Fait, j'avais commencé à faire des vidéos en anglais. Finalement, je les ai mis sur YouTube parce que Blip m'en voulait pas. Bref, c'était pas très bon, là. C'était vraiment pas très bon. Puis, c'est moi qui parle en anglais, fait. Hein? Comme je l'ai dit dans les commentaires, je le referai sans doute en français parce que j'aime vraiment beaucoup ce film-là. Ça serait très, très le fun. Je t'encourage. Et... Je pense que c'est clair notre opinion sur Leeches. C'est à voir pour ce que c'est. Un bon So Bad It's Good assumé. Et je crois qu'on devrait y aller avec le dernier film de la liste. Déjà de rien? Ben oui. Ben, mon Dieu. Après ça, on va aller jaser de ce qui a été vu entre temps. Oui, Vicky? Excuse-moi, oui, Audrey. Ton chum a trouvé le stream, mais on a oublié de le poster sur la page d'Orgamer. Je pense qu'il fallait pas te dire ça. Okay. Non, mais je pensais que tu parlais du stream. En tout cas. Puis, qu'est-ce que j'allais dire? Bon, excusez. 31 juin, c'est ça? Eh, hey, mon Dieu. Hey, c'est ma suggestion, c'est une de... Mais que finalement, j'ai pris le résumé à Simon Predge, parce que j'étais très content qu'il le suggère, et c'est In the Mouth of Madness, de John Carpenter. Un gros cœur pour ce film-là, que je crois qu'on a tous vu. Et comment résumer ce film-là, si ce n'est pas le meilleur film... de Lovecraft, qui n'est pas une histoire de Lovecraft. Mais le meilleur film mettant en vedette Stephen King, qui n'est pas Stephen King. C'est ça, tu sais, exactement. C'est ça qui est le fun, parce que Carpenter a exactement saisi l'essence d'un Stephen King, d'un Lovecraft, tout ça. Puis il se plonge dans ces univers-là, c'est vraiment trippant. En gros, c'est l'histoire de Sam Neill, qui travaille pour une agence de publication de romans et qui cherche le dernier roman de Sutter Kane, son dernier roman qui devrait sortir bientôt, mais Sutter Kane est introuvable et le roman devrait devrait être son œuvre ultime. Et le gars n'aime pas vraiment Sutter Kane, en a rien à foutre. C'est un genre de Stephen King, il le trouve ridicule. Mais bon, afin de le retrouver, il va se mettre à lire ses livres. Puis au fur et à mesure qu'il lit les livres, il va se rendre compte que les gens qui lisent les livres de Sutter Kane commencent à devenir étranges, saignent des yeux, ont des tendances un peu meurtrières et tout ça. Et au fur et à mesure que les indices vont s'accumuler, il va se mettre à questionner la réalité et à retrouver Sutter Kane dans un endroit qui n'était peut-être pas l'endroit le plus recommandé pour aller jeter un coup d'œil, mettons. Une ville terrifiante. Une ville, ouais, une ville terrifiante. Je pourrais pas dire que c'est du Maine, mais une ville qui n'existe que dans les livres de Sutter Kane, mais qui tout d'un coup existe dans la vraie vie. Peu importe. Moi, ce que j'aime, c'est ça, on l'a dit, c'est le mélange entre Stephen King pour ce qui est de la personnification de cet auteur-là, mais pour Lovecraft, pour les créatures, le genre de folie qui plane, cette idée qu'il y aurait comme des... pas des anciens, mais des choses qui habitent, qui vivent sous la terre, ou je sais pas trop quoi, qui dorment et qui ne cherchent qu'à revenir sur Terre pour nous détruire. Je sais pas, c'est vraiment mystérieux, mais je pense que tout le monde se souvient surtout de In the Mouth of Madness pour l'inquiétante étrangeté dans ce film, oui, qui le fait d'une façon tellement trippante. C'est je pense que tout le monde a toujours en tête cette fameuse scène du vieux monsieur en vélo, oui, sur la route qui passe deux fois, hein, qui passe une fois puis qui repasse une autre fois, puis oh mon Dieu, il manque le frapper, finalement il se relève. Le frisson qui me passe à chaque fois que je vois cette scène là la vieille dame avec son mari, celle qui gère l'hôtel, cette scène-là, quand il essaie aussi de sauver de la ville en voiture, puis toutes les fois qu'il se sauve, il revient. Il revient pour dire que c'est toujours la même scène qui recommence. C'est dans mon top des films d'horreur, là, que je me tente jamais de réécouter, puis que je pense à toutes les fois, ouais, cette fois-ci, ça va être la fois où que les effets vont être moins efficaces, puis où que je vais moins embarquer. Mais non, c'est toujours... Ça pèse toujours sur les bons boutons, comme j'aime bien dire. Je sais pas qui veut prendre la parole et nous raconter un peu son opinion sur Mouth of Madness. Ben moi, quand j'ai vu The Mouth of Madness, j'étais vraiment jeune. Quand je l'ai vu pour la première fois, j'étais vraiment pas mal jeune. Puis je me souviens d'avoir vraiment eu l'impression, mais comme le titre le dit, là, c'est vraiment une plongée dans la folie. Puis tu suis le personnage de Sam Neill, puis c'est rare. Il y en a beaucoup des films qui font ça, là, qui vont suivre l'évolution psychologique de quelqu'un qui s'en va vers la dérive. Mais celui-là réussit vraiment bien là où toutes les autres se plantent. Je trouve qu'on suit vraiment son personnage, puis on rentre dans cette espèce d'univers-là qui se peut pas. Et puis, je veux pas rien spoiler, mais à la fin, on est un petit peu fous nous-mêmes. Ben, je pense que tout le long, le film réussit bien à, comme tu dis, à nous faire embarquer dans sa folie, mais on questionne la réalité de la même façon que lui le fait. Ouais. Ce que lui voit d'étrange, nous autres aussi, on est toujours en train de se dire, ben, c'est-tu vrai, ça? Parce que y a des choses qui ont juste aucun foutu sens, là. Mais non, c'est ça, oui. Ouais, dans la chute vers la folie, c'est dans ce qui s'est fait de plus solide, je crois. Steven Audrey? Ben, moi, je suis un gros fan de John Carpenter. Pour moi, il n'y a pratiquement pas de défaut dans sa filmographie. Puis In the Mouth of Madness, ben, c'est dans mon top 5 de ses meilleurs films. C'est vraiment un putain de chef-d'œuvre, ce film-là. Comme tu disais, ça se rapproche beaucoup d'un H.P. Lovecraft dans ses créatures et son ambiance. Mais j'aime tellement... John Carpenter maîtrise tellement bien la fiction et la réalité en les croisant au point que chaque scène, on n'est jamais certain de qu'est-ce qui se passe ou si c'est vrai ou pas. C'est, on est tout le temps en questionnement en même temps que le personnage de Sam Neill, puis c'est super maîtrisé tout le long du film. Faut dire aussi que le soundtrack du film est écœurant, ça apporte beaucoup à l'ambiance aussi. J'aime beaucoup la musique du générique qui a été faite par le guitariste de Megadeth, si je me trompe pas. Puis John Carpenter, dans ce film-là, je pense qu'il arrive à nous offrir parmi ses scènes les plus cauchemardesques qu'il a faites. La scène du vieux en vélo m'a vraiment traumatisé jeune. À chaque fois que je revoyais le film, j'avais du mal à dormir à cause de ça. Puis c'est dans les détails, comme d'habitude, que John Carpenter va chercher l'aspect terrifiant. Moi, dès que je voyais les lumières jaunes après les pédales qui avancent, c'est ça qui venait déjà me traumatiser. Ou juste dès que les lignes jaunes disparaissent de la rue, puis t'as juste l'impression d'être dans un noir obscur. C'est vraiment hallucinant. Puis on dirait qu'il arrive à toucher à tout ce qui m'effrayait quand j'étais jeune. Moi, une ville fantôme avec des traces de sang un peu partout, puis j'ignore ce qui s'est passé, ben moi, mon cerveau commence à analyser puis à me faire mes propres créatures. Fait que je suis vraiment terrorisé tout le long du film, pratiquement. Mmh. Et Sam Neill a fait une prestation écœurante. J'ai tout le temps aimé Sam Neill. Puis je trouve que c'est un acteur vraiment formidable qu'on parle pas assez suffisamment. Tu sais, cette année, il a fait Hunt for the Wilder People par les créateurs de What We Do in the Shadow. Puis sa performance là-dedans est vraiment malade. Puis on devrait plus en parler de cet acteur-là. Il a vraiment fait des grands rôles, surtout Possession d'un réalisateur qui est mort récemment. J'ai oublié son nom, ça m'écœure, mais ça avec, c'est un très grand film, un des films préférés à Marc-Antoine Labonté. Mais sinon, L'Anne de la Folie, moi, j'ai rien à reprocher. Je trouve que c'est quasiment un film d'une perfection incroyable que j'ai autant de plaisir à revoir et à revoir sans arrêt. Et moi, sa finale avec dans l'autobus avec le bleu, j'adore ça. Dès qu'ils disent que vous saviez que ma couleur préférée était le bleu, puis le filtre en bas, puis tout est bleu, puis Sam Neill devient fou, puis après, ça continue à l'asile dans la salle de cinéma. C'est comme, on atteint l'apogée en termes de folie, puis c'est juste génial. Là. Carpenter! Et Audrey? Oui, mais moi je l'avais jamais vu avant In the Mouth of Madness. C'est comme je savais même pas c'était quoi. J'avais déjà vu l'image finale de Sam Neill avec son popcorn au cinéma qui rit. Genre j'avais déjà vu plein de gifs de ça puis d'images de ça, mais je savais pas d'où ça venait. Fait que là maintenant je suis contente de savoir c'est quoi l'origine de ça. Puis ouais, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai encore embarqué dans la littérature. Fun fact. Le titre du film, c'est ça, l'influence lovecraftienne, c'est pas juste dans les créatures. Ouais. C'est aussi le titre du film, c'est un jeu de mots sur At the Mountains of Madness, mm-hmm. qui est un roman de H.P. Lovecraft. Yes. Aussi, dans le film, à chaque fois qu'ils font, ils lisent un extrait de quelque chose de Sutter Kane, c'est tiré de l'œuvre de H.P. Lovecraft. Ah, okay. Et tous les titres de ces romans aussi, c'est des jeux de mots sur des titres de romans existants de cet auteur-là. Fait que c'est vraiment basé sur ça. Puis, ouais, aussi sur Stephen King, tu sais, qui écrit tout le temps ses romans en Nouvelle-Angleterre, dans une petite ville, comme Stephen King fait tout le temps. Ouais, ça aussi, c'est basé sur lui. Tu sais, même le nom, ça sonne pareil. Oui. Sutter Kane, Stephen King. Fait que j'ai trouvé ça. En tant qu'amatrice de littérature, j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir faire les liens comme ça en écoutant le film. C'est chaque. Tu sais, Stephen, toi, c'est la soundtrack. Moi, c'est ça. Genre, il y a quelque chose pour tout le monde dans ce film-là. Ouais, j'ai beaucoup aimé ça, puis ouais, la performance de Sam Neill était extraordinaire. Moi aussi, je vous invite à aller voir Hunt for the Wilder People, que Steven a mentionné. C'est vraiment un film excellent. C'est pas du tout dans le genre horreur, mais ça vaut la peine d'être vu. C'est ça. Vraiment. Cool, ben je suis content que tout le monde ait apprécié. Je vais être honnête, ça m'aurait surpris, mais j'aurais vraiment voulu entendre quelqu'un blaster ce film-là, mais je vois mal pourquoi on voudrait le blaster. Non, je pense qu'à la limite, on peut dire j'ai pas apprécié, mais je pense pas qu'on peut dire que ce film-là est très mauvais et que ça n'a pas de bon sens. Je regarde un peu sur le chat, les gens parlent un peu des histoires de Lovecraft. On a Crazy Man 666 qui dit « Dagon est un bon film aussi ». Oui, ben si on prend vraiment quelque chose qui est Lovecraft et qui n'est pas inspiré de Lovecraft, moi je crois que c'est le meilleur aussi. Il nous dit aussi que l'homme en bessique, my God, il est freak. Hein? David Michaud, il dit pour Lovecraft, il y en a pas ses nouvelles comme Shadow over Innsmouth et la légende de Call of Cthulhu. Toujours ben Cthulhu, écoute. C'est drôle parce que c'est le seul ou presque truc. C'est un des rares trucs qui ne fait partie que de la littérature, mais qui est dans la culture populaire. Ouais. Tu sais, jamais eu de film vraiment sur Toulouse. Il y en a eu, mais apparemment il y en a un. Oui, mais écoute, c'est pas la grande affaire là. Tu sais, ça n'a pas réussi à rendre justice à l'histoire en tant que telle. Et Marc-Antoine Lamberté qui dit qu'il est déçu que Del Toro ait pas réussi à le porter à l'écran. Vraiment, moi aussi. Vraiment, là, c'était le match parfait et bon, coudon, il ne se fera pas faire. Et ça s'assassine un peu sur les films de Carpenter. Dernier vrai Carpenter que Chris Mann dit. Marc-Antoine n'est pas d'accord parce qu'il dit que Cigarette Burns et Vampires sont des bons films. Cigarette Burns qui était dans Master of Horror. Merci. Et moi, ben Vampires de John Carpenter, c'est correct. Mais... Juste les 10 premières minutes, c'est de la bombe là. Ouais, mais ça fait flop, flop, flop assez rapidement. Mais il y a des trucs cool, il y a des trucs très, très cool. Audrey a une question. Non, j'ai une intervention à faire pour celle-là qui mentionnait H.P. Lovecraft et Del Toro. Il y a une série de livres. Mettons, je dis celle-là, ça s'appelle American Supernatural Tales. Puis il y a H.P. Lovecraft. Puis ça a été cette édition de livres, ils ont l'air de ça. Ça a été. Les préfaces sont toutes écrites par Guillermo Del Toro. Cool! Ça vous intéresse. Ben écoute, tu nous mettras le lien sur la page sérieusement. Je pense que ça va m'intéresser beaucoup et ça a l'air très très cool comme livre. Puis Marc-Antoine, ben il est fâché contre notre opinion sur Vampires et il dit qu'on l'a tous trahi. Ben écoute, on regarde. Ben, regarde, moi je t'accompagne Marc-Antoine. Puis les seuls deux mauvais pas de John Carpenter, pour moi, c'est The Ward et son deuxième court-métrage de Master of Horror, Pro-Life. Sinon, même Ghost of Mars, je le prends comme un plaisir coupable. C'est divertissant. Là. Pro-Life, c'était Carpenter? Oui, celle-là avec le... Oh mon Dieu! Ron Perlman? Ouais. Le genre de diable qui naît. Mais c'est vraiment décevant. C'était très, très, très décevant. Bon, puis Marc-Antoine qui dit encore pour live, c'était nice, tu m'as trahi. Bon, ben écoute, Marc-Antoine, c'est pas ton podcast aujourd'hui, mais on t'aime quand même. Hey, on va passer à la musique, les amis, puis on va. À moins que vous ayez autre chose à dire sur The Mouth of Madness. Non. Cool. Et on passe à la musique, encore une fois, avec une suggestion de Guillaume Couture. On s'en va au Québec et on y va avec une suggestion qu'il nous avait faite pour Les Ghouls. Et la chanson Kill. Et on se revient après pour les films qui n'étaient pas dans la liste et que Audrey a écouté parce que bon, c'est elle qui a dérogé beaucoup. Et on se retrouvera après. Attendons! Kill quand un drôle de panneur, qu'il n'y a personne, qu'il n'y a que Kill, qu'il surgit de nulle part, qu'il s'installe au comptoir et Kill te regarde sans broncher, sans parler, sans broncher. Et Kill semble très perturbé. Il semble prêt à tuer, mais Kill n'en est pas un méchant, c'est un joyeux luron. Monsieur Kill est amour, il est sérénité. Monsieur Kill mange des gaufres, il est coquin aussi. Monsieur Kill est ami, c'est un père adoré. C'est un mari fidèle, il est toujours gentil. Monsieur Kill est la joie et la paix incarnée, mais Kill, quand tu es dans son angle, parler au Kill, te regarde sans broncher, qu'il a les yeux en sang et Kill remue seulement ses mains, qu'il cache derrière son dos. Kill, qu'a-t-il donc, une hache, un rasoir, un couteau? Mais Kill, non, non, n'est pas comme ça. Il aime les animaux, les posters de Minou et les colimaçons. Monsieur Kill joue au Kill, c'est un sacré joueur. Il est bon camarade, il connaît. C'est un fin bricoleur, un hardi voyageur. Il a tout vu, tout fait. Monsieur Kill est bonheur, mais Kill a refermé le piège. Et tu sais qu'il le sait. Et Kill sait que tu sais qu'il sait que tu ne peux plus t'en aller. Kill soudain devient nerveux. Il plonge sa main dans sa poche. Kill, qu'a-t-il donc dans sa poche? poche. Il sort sa main et me suffit avec un portefeuille. Il te montre ses photos de ses enfants jolis et de sa femme aussi. Il te montre son permis, il a encore tous ses points. Il te montre son bulletin, il avait des bonnes notes. Il te montre sa famille, tous de joyeux connards. Il te montre son jardin, il te montre son poulain. Mais qui ose oui, fada, oui, fada, da, da, da, monsieur qui ose oui, fada, oui, fada, da, da, da, monsieur qui ose oui, fada, oui, fada, da, da, da, da, monsieur qui ose oui, fada, oui, fada, da, da, da, da, monsieur qui ose oui, fada, oui, fada, da, da, da, monsieur qui ose oui, fada, oui, fada, da, da, da, monsieur qui ose. Les chasseurs de vampires avaient décapité et démembré cet homme afin qu'il reste dans son cercueil. On est de retour après cette chanson des Ghouls pour jaser des autres films qui ont fait partie de notre semaine de l'horreur. Et je vais commencer parce que c'est moi qui commence puis c'est tout. j'ai pas écouté d'autres films qui n'était pas sur la liste. Moi, j'ai manqué de temps. Sauf que je me suis dit un soir, faut que je trouve un moyen d'écouter quelque chose d'horreur, quoi que ce soit. Et en écoutant un vidéo du Fossoyeur de films qui jasait de Lights Out, il nous suggérait à la fin de sa vidéo une chaîne YouTube d'un réalisateur qui s'appelle Drew Daywalt. Et ce gars-là fait des courts-métrages d'horreur. Et là, je me suis dit, cool, je me fais une soirée, un petit 45 minutes, une heure de court-métrage d'horreur sur YouTube. Donc, juste à écouter ce que YouTube me suggère, à faire des skips et tout ça. Et j'en ai vu des vraiment fun. Et sérieusement, je vous suggère, c'est ça, je peux pas vraiment vous parler des films parce que un film de 4 minutes, on résume pas ça. entre autres, il y en a un qui s'appelle Selfie, qui raconte l'histoire d'une fille qui prend un selfie en écoutant Halloween. Et bon, il y a quelque chose. Il y a The Old Chair, qui une fille qui achète une vieille chaise sur Craigslist et qui se passe quelque chose. C'est tout à ça. Je peux pas aller plus loin que ça. Mais il y a de quoi dans sa réalisation. Évidemment, il y en a qui marchent moins. Je pense que ça, c'est le propre des courts-métrages d'horreur. On va trouver des choses qui fonctionnent beaucoup moins. Mais je dirais qu'à la fin de ma soirée, je vais essayer de poster sur notre page Facebook quelques-uns de ceux que j'ai trouvé les plus intéressants. Je ferai un post là-dessus. Je suis monté dans ma chambre en regardant derrière moi tout le long. Donc, ça a été une belle soirée efficace. Je sais pas pourquoi, mais moi, les courts-métrages d'horreur, c'est quelque chose qui me fait vraiment peur. C'est parce que c'est tout le temps basé sur une situation, quelque chose d'horrifique, fin. Et pas de fla-fla, et c'est rare que la situation horrifique ait juste un jumpscare, parce que sinon, pourquoi faire un jumpscare dans un film de 3 minutes? À la limite, un jumpscare, mais qui va être suivi de quelque chose d'autre. C'est ça. Le gars a vraiment... des bons films intéressants, j'en ai visionné d'autres, je vous mets la liste, mais sérieusement, moi, ça c'est un plaisir coupable, les courts-métrages d'horreur. Je sais pas pour vous autres si vous êtes genre à en écouter de temps en temps ou... Pourquoi coupable? Bah non, pas coupable. Non, tu vois, j'enlève okay. Cette phrase. C'est un plaisir, tout court. Ok. Ben, à un moment donné, toi puis moi, on s'avait fait ça, une soirée, oui. Il y a un moment, puis c'est là qu'on avait découvert, je pense... C'était-tu Lights Out qu'on avait vu pour la première fois, le court-métrage de ça? Oui. Puis qu'on avait chié dans nos culottes, quasiment, les deux. Oui. Ben, dans le fond, c'est qu'on se postait un lien sur Skype à la fin d'un show d'Horror Gamer. Il restait juste toi puis moi. Puis on se postait des liens sur Skype, puis on l'écoutait en même temps. Puis on était comme, calice, tabarnak. C'est freak, hein, cette affaire-là. C'est hilarant parce qu'on écoutait nos réactions d'avoir la chienne, puis on était crampés. Non, c'était vraiment le fun. Mais est-ce que tu fais ça des fois ou non, c'est pas... Écouter des courts-métrages? Ouais. Oui, j'adore ça. Dès que j'ai la chance d'en découvrir des nouveaux, moi, ça me fait plaisir. Puis surtout qu'il y a bien des films souvent qui sont inspirés des courts-métrages ou qui sont adaptés. Fait que moi, j'aime ça voir en premier d'où c'est que ça vient. Fait que c'est toujours une bonne chose à voir. Là. Comme le court-métrage de Mama, qui est tellement meilleur que le film. Sylvain et Audrey, je ne sais pas si vous êtes des amateurs de courts-métrages, mais je parle pas en festival, mais vraiment de dire je m'installe, je me starte des vidéos YouTube, j'écoute des courts-métrages. Ben moi, pour les films puis pour les livres, mettons, j'aime mieux la version longue que les courts-métrages ou les nouvelles. En général, j'aime mieux ça. OK. Tu aides, c'est ça, c'est drôle que tu parles de livres, mais curieusement, je préfère les nouvelles aux livres, donc peut-être que ça a un lien. Je vais peut-être en parler... que t'as pas un bon attention span, c'est peut-être pour ça. C'est très vrai. Il n'y a pas de peut-être. C'est très très vrai. Bon, bon, dans le film, écoute, je suis quand même capable de focusser pendant deux heures sur un film, mais c'est vrai qu'un livre de 350 pages, je suis pas capable, tandis qu'une petite nouvelle de 25, c'est toujours le fun, parce que je réussis à la terminer. Sylvain, ben, c'est comme un court-métrage, ouais, ça a la qualité d'être efficace sur le coup, là. C'est ça le but en tant que tel. Oui, ou réussir ça à garder l'attention. Ou ça a la qualité d'être un pétard mouillé. Oui. Mais au moins, c'est un court pétard mouillé, et c'est pas un livre qu'après 200 pages, Sylvain décide de lancer par la fenêtre. Oui. Mais toi, Sylvain, je ne sais pas si tu es amateur de cours. À part ceux que tu es en train de suivre à l'école! Ha! Oh mon Dieu! Je ne suis pas... J'en écoute dans les festivals, puis j'en écoute dans les ABCs of Dead, puis les anthologies comme ça. Mais non, malheureusement, puis je trouve ça un peu dommage maintenant qu'on en parle, j'ai pas cette habitude-là de m'installer devant YouTube puis de regarder des courts-métrages. C'est que, ben, je sais pas si vous avez ce setup-là, mais moi, chez nous, j'ai un Chromecast, hein, fait que, dans le fond, je suis dans le salon avec mon cellulaire sur la grosse TV, puis je fais juste, plop, plop, plop, je me monte une playlist, puis après ça, je m'installe, puis j'en ai pour 45 minutes à me dire, oh mon Dieu, ce film-là est freakant, j'ai hâte que ça finisse. mais je sais pas, il y a de quoi là-dedans qui vient me chercher, la situation simple. Puis je sais pas, des fois dans le court-métrage d'horreur, ils vont souvent jouer dans les situations du quotidien. Mm. Parce que les personnages sont tellement pas développés qu'on dirait que c'est comme des coquilles vides finalement dans lesquelles tu peux facilement te transposer. Je sais pas. Mm. C'était mon petit moment poétique. Les coquilles vides dans lesquelles on se transporte. David Michaud qui dit « Seb, mettrais-tu un lien vers le channel de court-métrage dont tu parles? » Oui, je vais le faire. Je vais mettre un post sur Facebook pour sur notre page Horror Gamer pour vous donner mes meilleures suggestions de court-métrage que j'ai trouvé dernièrement. Maintenant, Audrey! Oui! Ouais, c'est ça. Moi, vu que cette semaine, j'ai eu de la misère à trouver certains titres, j'ai écouté d'autres films à la place. Le premier, qui est vraiment mon highlight de cette semaine, c'était conseillé par Jean-François la semaine passée dans le podcast, et c'est Gaslight, la version de 1944, avec Ingrid Bergman et Angela Lansbury. Et c'est l'histoire de ce personnage de Ingrid Bergman, que sa tante, elle a été assassinée quand elle était petite. Puis elle, pendant ce temps, après ça, pour s'en remettre, elle a été vivre à l'étranger en Italie et est tombée en amour avec un beau monsieur qui a demandé de l'épouser après seulement une semaine. Après ça, ils retournent les deux en Amérique. À Londres? En tout cas, whatever. Ils retournent les deux dans leur maison et là, ils commencent à avoir des choses bizarres qui se passent dans leur relation. Puis là, dans le fond, c'est une relation abusive, mais le gars manipule tellement bien la fille qu'elle se demande si c'est pas elle qui est en train de devenir folle, puis si c'est pas elle le problème. Okay. Puis le film s'appelle Gaslight, puis c'est grâce à ce film-là que le terme gaslighting a vu le jour. Le terme gaslighting qui consiste à... c'est quand l'abuseur nie qu'il fait quelque chose de pas correct à la victime, fait croire à la victime que c'est elle le problème. OK. Puis, c'est pas nécessairement horreur, c'est plus... thriller, mais c'est t'en viens épeurant qu'est-ce que le gars fait subir à la fille. Puis je trouve que c'est un, malheureusement, c'est un film qui est encore d'actualité avec qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée. On peut voir qu'en 1944, on croyait pas les femmes, mais en 2016 non plus, on les croit pas. Mmh. C'est des menteuses, c'est des hystériques. Des mofteuses et tout ça. Plus ça change, plus c'est pareil, malheureusement. Fait que ça, je vous le conseille vivement. Non, qu'est-ce que j'ai écouté? Un autre film que j'ai écouté, je pense que c'est Steven. J'avais sûrement entendu Steven en parler parce que c'est un de mes films préférés. Je pense que c'est I Saw the Devil. I Saw the Devil. C'est un film coréen. C'est l'histoire d'un tueur en série. Puis là, au début du film, ça commence avec sa plus récente victime, c'est la femme d'un agent de police. Et il la tue pendant qu'elle est enceinte. Là, finalement, au début du film, il découvre son corps. Là, l'agent de police décide de se venger et d'aller à la rencontre de tous ceux qui pensent être des suspects de ce crime-là, puis de trouver c'est qui a fait le crime, puis de le punir. Fait que dans le fond, I Saw the Devil, c'est comme une métaphore, c'est le tueur en série qui est le diable, mais c'est aussi lui qui devient mauvais, qui devient méchant. Ouais, c'est ça. Un petit peu. Fait que le devil, c'est aussi lui-même. Ouais. Super bien fait, et l'histoire est vraiment enlevante, captivante, je le conseille. La c'est scène ça. Du taxi. Ouais. C'est écœurant, le 360 de la caméra, là, c'est malade. C'est ça. Sinon, les autres films, c'est genre, il y a Chrono Criminis, là, le Time Crime. J'ai commencé à écouter avec mes amis quand on faisait nos citrouilles, puis on n'a rien compris. Fait que je vous en parlerai pas. Ouais, parce écoute qu'on... pas ça en faisant des citrouilles. Ben, c'est ça, on était trop concentrés sur les citrouilles. Ouais. Fait que je ne ferais pas de résumé. Non, c'est Time Crime, faut que tu t'assoies puis que tu regardes. J'ai-tu une bonne nuit de sommeil? Oui, ok, je peux écouter Time Crime. Fait que je vais le réécouter. Ouais. Sinon, c'est ça les films que j'ai écoutés. Sinon, les autres, c'était ceux-là qu'on allait. Good. Vous autres, les gars, vous avez été sages? Moi, j'ai été sage. Cependant, j'ai commencé à lire, je ne l'ai pas terminé, mais j'ai commencé à lire un livre. Et je voulais vous en parler parce que ça peut très bien vous intéresser. Premièrement, Burleson Ellis, on en parlait tout à l'heure, a dit que c'était le meilleur roman qu'il a lu depuis très longtemps. Et Stephen King a dit que ça l'a littéralement terrifié. Un excellent roman d'horreur dans la plus pure tradition du genre. Ça s'appelle Troupe 52. Ça vient de paraître en français. Notre bon ami, nos bons amis de Dimedia m'ont offert le service de presse et j'aime vraiment ça. J'ai juste une centaine de pages de lui. J'ai une amie sur Facebook qui avait commencé à le lire avant moi. Elle m'a dit, j'ai lu 100 pages avant de m'endormir. C'est vraiment pas une bonne idée. puis c'est rare qu'un livre crée le sentiment de peur chez moi, mais ça fonctionne vraiment, celui-là. Cool. C'est l'histoire d'un chef scout qui amène 5 de ses louveteaux, ses scouts. Scouteaux. T'as des fourchettes, puis t'as des scouteaux. Bref. il amène sa petite troupe. Sur une île déserte où ils n'ont pas le droit d'avoir de cellulaire ou quoi que ce soit, comme c'est convenient. Mm-hmm. Et il y a un gars qui débarque là, qui a une espèce de maladie où il n'est juste plus capable de s'empêcher de manger. Puis c'est un virus qui a pogné, on ne sait pas trop c'est quoi, mais il ne peut juste pas s'empêcher de manger. Puis à un moment donné, il a le ventre tellement plein, et l'auteur nous décrit ça, lui, il ne le sait pas, mais son estomac s'est rompu, puis la bouffe fait juste se mêler à ses entrailles, à l'intérieur de lui, tellement il a trop bouffé. Et donc, il débarque sur cette île où les petits-enfants et M. Scout sont là et ils n'ont pas de ressources. Et beaucoup de plaisir s'ensuit. Voilà. Mmh. OK. Ah, j'ai trouvé en anglais, ça s'appelle The Truth. Ouais, exactement. Cool. Ta-da. Ça m'intéresse. Penses-tu que tu pourrais, comme deux fois par semaine, venir me lire? Non. Sylvain, fais-nous un audiobook, s'il te plaît. Oui! Non. J'ai aimé quand même que tu prennes le temps d'y penser avant de répondre. Je pensais plus à la façon polie de dire non, mais bon. C'était très, très poli de faire juste un « non ». Ah, mais je sais pas pour vous, moi ça a été une drôle de semaine d'horreur. Est-ce qu'on a eu vraiment des choses qui nous ont troublés ou quoi que ce soit? In the Mouth of Madness, c'était probablement le film le plus vraiment effrayant du lot. Sinon, ça a été une semaine dans le So Bad It's Good, dans le thriller, dans le quasi-familial, dans la critique de société qui n'est pas une critique de société. Je sais pas comment tu as choisi l'ordre des films, mais moi, je trouvais ça vraiment winner de mettre Leeches après Society puis American Psycho. Tu sais, genre deux films vraiment intenses. Là, tu mets un petit Leeches après. Là. C'est bien. Je vais te dire, Sylvain, je vais te dévoiler mon truc pour choisir l'ordre. Une feuille Excel où chaque titre a un numéro et ensuite le site random.org qui me donne une ordre. Et moi, après ça, qui fait comme, ouais, un tapeu. Non, pas ça. Je fais des petits ajustements. Parce que des fois, quand ça fait 5 films gore ou 5 films trop absurdes de suite ou 5 so bad it's good, tu fais comme... Non. On va perdre les gens. Là. Ça prend un équilibre. Mais c'est bizarre. Je pense que j'ai eu à faire un ou deux ajustements. Et cet ordre aléatoire-là était... je pense qu'il était intéressant. Peut-être que la semaine qui s'en vient sera la semaine la plus... je peux pas dire lourde, mais on va ailleurs, je crois. Ben, ce soir, c'est trois extrêmes. Three Extremes. Trois films. Justement, hey, je voulais écouter des courts-métrages, ça va bien faire. d'anthologie asiatique avec tes deux héros principaux, Takashi Miike et Chan-Woon Park, c'est ça? Park Chan-Wook. Je suis jamais capable de dire son nom. C'est vraiment une anthologie vraiment intéressante parce que c'est un réalisateur d'une classe différente, fait qu'il est un réalisateur japonais, un réalisateur chinois et un réalisateur coréen. Et je trouve que cette anthologie-là arrive à montrer c'est quoi les différences entre ces trois places-là. Vraiment, tu peux distinguer à quel point leur style de cinéma est différent de l'un de l'autre. Et c'est vraiment fantastique. Là. J'ai envie d'en parler là, mais je vais attendre que tout le monde le voie. Cool. C'est vraiment cool. On va avoir aussi Unrest, qui est une suggestion de Danny Champagne d'Horreur Web. Film qui ne me dit rien du tout. J'ai hâte de voir. On a Simon qui nous a suggéré De la morte et de la mort pour le 25 octobre. On a la troisième suggestion de Vicky, Driller Killer, qui va venir peut-être pour rebalancer ça. Danny Champagne qui nous suggère le remake de The Town That Dreaded Sundown. Yeah! Yeah! Là, on est rendu, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Le sixième! Marc-Antoine Lamonté qui nous a suggéré The Hunger. Ma première fois en plus. Ouais, moi aussi, je pense que ça va être ma première fois complète. Là. Je l'avais démarré à l'époque. Comme moi aussi. Non, mais dans le sens que à l'époque, je l'avais démarré, je l'avais arrêté pour me coucher, puis j'ai juste jamais continué. Et oui, le septième sera ta suggestion, Steven. Alléluia. Yeah, première fois pour moi celui-là. Ah, ok, c'est un film que tu as entendu parler et que tu nous as suggéré d'écouter avec toi pour le découvrir. Entendu parler, mais aussi parce que j'adore ce réalisateur-là. C'est lui qui a fait le film Calvaire, film belge, et c'est un film qui m'avait grandement marqué. C'est comme un ami de Gaspard Noé, puis on peut reconnaître les influences de Gaspard Noé dans son cinéma. Puis Alléluia semble être une lune de miel assez particulière venant de lui. Je crois que ça risque d'être très intéressant. Oui, Calvaire qui était un film à voir. Je pense pas qu'il va plaire à tous, mais ça m'avait marqué aussi. Puis après ça, il va nous en rester juste deux. Peut-être qu'on voudra en jaser rapidement. À ce podcast-là, on verra. On avait Trick or Treat, évidemment, notre 31 octobre. Mais puisqu'il n'y aura pas de cinquième podcast, juste pour jaser de Hour of the Wolf et Trick or Treat, donc, prochain, on regardera si on peut vraiment en jaser. Sinon, Sylvain, je te laisse un petit deux minutes pour nous parler de tes projets. Ah, eh bien, je suis... Ça prend pas surprise, hein? Ben oui. Ben, je suis toujours sur YouTube et je travaille sur mes petites vidéos. À venir, des critiques de Poison Ivy 2, 8 mm 2, God. Barre routier 2 et Doom Generator. Ok, voilà. il y a un petit peu de Embrace of the Vampire qui va rester dans 8000 m2 et Poison Ivy 2. Là. En fait, c'est Jonathan Scheck qui fait le moi. Ah, ok. Excellent. Audrey, à part nous dire qu'on fait des fautes, c'est correct parce que tu es là pour nous remettre à l'ordre. Je te laisse nous parler de TPL. L'Halloween s'en vient, fait que je compte faire un petit post sur l'Halloween pour TPL, fait que je vous donnerai des nouvelles, puis je mettrai un lien dans la com, vu que, ben, dans la page Horror Gamer, vu que c'est pertinent à nos intérêts, l'Halloween. Oui, et ton petit look qui est, TPL qui est ton petit look, un blog pour lequel tu écris, qui parle de, mon Dieu, comme disait si bien Sylvain... on peut nous parler de comment survivre au viol et ensuite, c'était quoi? Tu avais donné comme exemple? Une liste de films à regarder pour la fin de, pour une fin de semaine de filles. Oui, c'est genre. Ça. Donc, non, mais. Oui, je sais que c'est un drôle d'exemple à donner. Oui, non. Ça parle de tous les sujets qui pourraient toucher à la vie d'une personne à la fin de l'adolescence, jeune vingtaine, trentaine. Fait que, oui, c'est très divers. Ben, dans le fond, c'est ça. T'es meilleur que moi pour résumer TPL, en effet. Puis, ben, Steven, vous autres, vous avez un bras de fer qui s'en vient bientôt pour Rocker Horror Picture Show. Rocker Horror! Rocker Horror! Rocker Horror Picture Show! Puis on est une belle grosse gang en plus, fait que ça risque d'être vraiment intéressant, mm-hmm. Puis beaucoup de fun. On va avoir pas mal de choses à dire, je crois. Moi, c'est grâce à GF que j'ai connu ce film-là et j'ai... Malheureusement, je ne suis pas la vague de Rocky Horror. Je suis... Viens chanter avec nous. Hein? Viens chanter avec nous, vite. Ah ouais, vite. Non, je ne suis pas la vague du premier. Oh oui, je sais, mais viens chanter. Je viens chanter. Je ne connais pas les tunes. Je les aime pas. Puis, nous autres, on se revoit la semaine prochaine pour le quatrième podcast des 31 jours d'horreur. Entre-temps... Ceux qui nous écoutent juste pour le podcast puis qui nous découvrent au cours des 31 jours, allez liker notre page Facebook. On est à 4 likes d'atteindre le 600. Come on. Parlez-en à vos amis. On a besoin de 4 petits likes. Sinon, toujours pour nous encourager, on a notre Patreon, patreon.com/horrorgamer pour nous encourager avec un petit don mensuel qui nous permet de subvenir à nos besoins avec les coûts que le site nous demande. C'est ça. N'oubliez pas, je savais que j'avais de quoi d'important à parler. N'oubliez pas notre concours. On a notre concours pour les 31 jours d'horreur. On a 4 films qui nous ont été offerts, par les sympathiques personnes de Film Séville. Et là, j'essaie de rapidement trouver c'était quoi les 4 films. Oui, c'est ça. Ben, je les ai à côté de moi. C'est The Boy. On a Babadook. Hey, je reviens. C'est pas long. A Christmas Horror Story, une anthologie de Noël. Oh. Et il y avait aussi... The Boy, Babadook. Ava's Possessions et A Christmas Horror Story. Donc, Film Séville. Un beau petit lot. Oui, vraiment, je trouve bien diversifié. Donc, Film Séville qui nous s'offre ça. On a les 4 films pour un gagnant. Donc, c'est pas 4 films à faire tirer pour 4 personnes. C'est une seule personne qui se mérite ce super gros prix. Donc, on va vous mettre le lien. Je crois que c'est horrorgamer.ca/concours. Je vais juste valider. Mais donc, c'est ça. Une petite question où on vous demande tout simplement quel est le film des 31 jours d'horreur que vous avez aimé le plus. Donc, non, ne tapez pas horrorgamer/concours. Ça donne le concours de Ash vs. Evil Dead. C'est pas le bon. Je corrigeais ça. Et on a mis le lien sur notre page de toute façon. Donc, on a jusqu'au 31, je crois, pour participer. Donc, allez-y, en grand nombre. On est vraiment contents de ça. Puis, est-ce que j'oublie quelque chose? Je voyais des crayons shakés là, du côté de Steven. J'ai pas vu grand-chose cette semaine, mais j'ai vu, pareil, 2 petits trucs. Oh! Que j'ai pas eu le temps de mentionner. Vas-y! Ah oui, excuse-moi! J'ai pas vu... C'est correct, mais j'ai pas eu la chance de voir beaucoup de films d'horreur. Et celui-là, je peux pas mentionner forcément que c'est de l'horreur, mais je crois que ça rentre dans la catégorie d'animal tueur. Fait que je crois qu'on pourrait peut-être mettre ça. Mais j'ai essayé le premier épisode de la télésérie Zoo. parce que sur Netflix, l'affiche m'a vraiment titillé depuis un bon moment. Et c'est tiré d'un livre de James Patterson, qui est, ma copine est très fan de lui. Fait que quand j'ai vu son nom, je me suis dit, ah, ça peut être intéressant. Et j'ai vu que c'était Brad Anderson qui réalisait le premier épisode. Et je suis fan de ce réalisateur-là, qui n'est pas si mentionné que ça souvent. C'est lui qui a fait Session 9 et Le Machiniste avec Christian Bale. Pour moi, ce sont deux grands films, honnêtement. Et j'avais pas de grandes attentes avec cette série-là. En gros, ça marche avec le fait que qu'est-ce qui arriverait si une bonne journée, tous les animaux de la planète décideraient juste de se rebeller contre la race humaine. Et c'est ça qui arrive progressivement dans le premier épisode. Puis c'est vraiment cool parce qu'on voit ça de deux points de vue. On voit ça d'un gars en Afrique qui fait des genres de des randonnées touristiques qui va être pogné à se faire attaquer par un méchant gros troupeau de lions. Et on va suivre une journaliste à Los Angeles qui, eux, avec un scientifique, elle va essayer de comprendre ce qui se passe parce que, justement, là aussi, il y a des lions qui se sont échappés du zoo qui attaquent. T'as tous les chats des quartiers qui se sont enfuis puis qui se retrouvent tous dans le même arbre. T'as comme vraiment plein de trucs mystérieux qui gardent ton attention, que j'ai trouvé vraiment intéressant. Et j'avais peur pour les effets spéciaux parce qu'on s'entend-tu tourner des scènes d'animaux, c'est pas ce que le plus facile, surtout des lions. Et ils ont vraiment fait une bonne job parce que globalement, ils utilisent des vrais animaux et le CGI est seulement utilisé de manière très éloignée puis vraiment pour aider dans salut les moments monde, les plus difficiles. Il n'y en a plus jamais. Dans le noir. Fait que t'as une scène dans le champ en Afrique où le groupe va se faire attaquer par 5 lions dans un espèce de champ avec les genres de paille trop haut. Fait que tu vois pas les lions, mais tu vois juste la paille bouger. Puis à un moment donné, tu as un plan d'en haut, puis tu vois juste les 5 lions marcher là-dedans. Puis l'effet est écœurant. La série est intrigante. Tu veux tout de suite savoir ce qui se passe. C'est quoi qui cause ça, le genre de révolte chez les animaux. Fait que je dirais pas que c'est une grande série. J'ai juste vu un épisode, c'est difficile de juger. Mais ça m'a captivé. J'ai eu du fun, puis je crois que ça peut être une série intéressante. Les deux saisons sont disponibles à date sur Netflix et je crois que la troisième commence. Fait que c'est à voir. T'es pas le premier qui m'en parle disant que c'est bon. Donc... Oui, ok, cool. D'abord, c'est prometteur. Ça veut dire que ça va peut-être continuer sur la bonne voie. Et j'ai revu un de mes films que j'aime beaucoup, qui est pas si connu que ça, puis sous-estimé selon moi, parce que j'ai reçu mon édition de Arrow. J'ai revu Vamp avec la weird Gracie Jones, parce que il y a personne qui ressemble à Gracie Jones, là. Elle est vraiment unique, cette fille-là. Et c'est vraiment le fun, ce film-là, parce que je le conseille pour ceux qui sont fans de Night of the Comet, parce que ça aussi, c'est un autre petit film pas tant mentionné que ça, mais ce que j'aime de Night of the Comet, c'est que c'est visuellement super beau, il y a une bonne atmosphère, puis c'est vraiment le fun comme film. Il y a un mélange de horreur léger et comédie très présent, puis je trouve que Vamp, mais ça rentre dans ce moule-là pour ceux qui ont beaucoup aimé Night of the Comet. Ça raconte l'histoire de deux amis qui veulent rentrer dans une fraternité, mais ils sont comme au courant des petits genres de défis que la fraternité fait pour rentrer. Puis c'est comme, gars, on connaît vos défis sont plates. En fait, le gars, demandez-nous ce que vous voulez, puis on va vous le donner, puis ça va être la clé pour qu'on puisse rentrer dans votre fraternité. Et ben les gars, ils acceptent, puis tout ce qu'ils leur demandent, c'est de réussir à trouver deux stripteaseuses pour leur gros party de fête dans une semaine pour fêter telle année de leur fraternité. Fait qu'ils décident d'aller dans une boîte de striptease et par malheur, ils vont rentrer dans une boîte de striptease où que les danseuses sont en fait des vampires et que c'est une place à la From Dusk Till Dawn, en fait. Et je crois que Quentin Tarantino s'est beaucoup influencé. T'as même la scène avec Gracie Jones que c'est la même affaire que Salma Hayek. La seule différence, c'est que c'est pas aussi sexy. Mais c'est un film que je recommande beaucoup. Le réalisateur mélange très bien l'humour et l'horreur. J'aime beaucoup son personnage principal. Il est vraiment le fun à suivre. Les effets spéciaux sont écœurants. Les vampires sont plus que juste avec des crocs. C'est vraiment des vampires pratiquement à la Demon, là, des gros maquillages, des grosses mâchoires. Cool. Mais sont vraiment cool, les effets sont très réussis. Comme je dis, le visuel, c'est du bonbon, t'as du vert, du mauve, tout partout. On dirait quasiment qu'on est dans un film italien, là, ça nous bombarde les rétines, c'est écœurant. Et on s'amuse sur toute la durée, vraiment. C'est un bon film de vampire des années 80 qui mérite à être découvert ou redécouvert pour ceux qui ne l'auraient pas revu. Cool, intéressant. Pendant que tu parlais, Steven, j'ai corrigé le tir et maintenant l'adresse du concours est horrorgamers.ca/concours. Yeah. Donc, pour ceux qui veulent participer et qui veulent peut-être se mériter nos quatre films qu'on a mentionnés, c'est la place. Donc, je pense que c'est ce qui termine notre épisode des 31 jours d'horreur. Et ma foi, c'était très cool. Dommage qu'on n'ait pas eu certaines personnes qui avaient oui. parlé venir faire leur tour. Mais écoute, on a quand même eu le chat à Audrey qui a remplacé Olivier. Donc, sur ce, je vais dire Steven, au revoir. Au revoir, Sébastien. Merci d'avoir été là. Sylvain, au revoir. Merci d'avoir été là. Au revoir. Et Audrey, merci d'avoir été là. Au revoir. Bye. Tata tout le monde! Et on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, gardez ça horreur!